Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 9. Je procède au rappel traditionnel, vous pouvez nous écrire à notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, si vous voulez nous envoyer des informations, nous poser des questions. N'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en nous faisant des dons par crypto-monnaie exclusivement. Bitcoin, Ethereum, Monero sont les trois monnaies, crypto-monnaies que nous acceptons. Tout est expliqué sur le site à droite. C'est aussi pour vous l'occasion de vous familiariser avec ce moyen de paiement qui ne peut pas être censuré. Et nous recommandons, si vous maîtrisez assez ça, Monero, qui est totalement crypté, indéchiffrable. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez partager notre numéro PDF hebdomadaire de l'émission. Alors, il y a eu des petits problèmes de téléchargement, on est en train de résoudre ces problèmes, donc ne vous formalisez pas, mais voilà, tous les lundis, normalement, le numéro est en ligne, et vous pouvez le télécharger et le partager avec vos amis, c'est tout l'avantage du PDF, donc il reprend tous les articles de la semaine, voilà. Donc c'est la version voilà, PDF du site, si vous voulez, ça permet d'archiver et de contourner en partie quoi, la censure. Je vais présenter maintenant les membres de notre émission de cette semaine, je vais commencer avec... Derek qui est avec nous aussi, comme d'habitude. Salut Derek. Salut Godalf, salut tout le monde. Fulbert est avec nous, salut Fulb. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Gandalf. Poporovic nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine, salut Poro. Shalom alaikum à tous. Alexis est présent, salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Je vois que Hapman America est présent aussi, salut Hapman. Guten machin, hein, Guten Tag tout le monde, bonjour, en avant les... Je vous remercie. En avant Guingamp, et MacDav est présent avec nous, en grande forme MacDav. Salut à tous les amis. Ah, quelle voix de mal, c'est très, très plaisant je pense. La voix de crooner. Ah là c'est ça, ouais. un crooner qui abusait de boissons à 40 degrés. Voilà, c'est ça. Alors, on va commencer avec la première rubrique, autisme radical. Alors là, c'est Paris Match qui nous cite ça, Paris Match Belgique d'ailleurs, il y a une édition belge qui revient là-dessus. Je vous livre le titre, icône végan, il cède à la viande pour des raisons de santé et scandalise ses fans. Alors, je vous lis cet article. Il semblait pourtant en parfaite santé. Sportif de haut niveau, star du free-running mondial, Tim Schiff est végétalien depuis 2012. Devenu véritable source d'inspiration, notamment à travers sa page YouTube suivie par près de 180 000 personnes, l'icône de la marque de vêtements Ethix a dû renoncer au véganisme pour des raisons de santé, voire de survie. Une décision difficile qui lui a attiré les foudres de sa communauté, relançant le débat sur les risques du régime végan. Les critiques fusent depuis que la nouvelle est tombée. Dans une vidéo intitulée « I am still vegan, suis-je encore végan ?» publié mi-février, Tim Schiff déballe tout et revient sur les raisons qui l'ont poussé à abandonner le tout végétal. Après avoir promu son mode de vie d'athlète végan en collaborant notamment avec l'association PETA et en fondant la marque de vêtements végan Ethics, le Britannique âgé de 30 ans a fini par se rendre à l'évidence, le régime végétalien ne lui a pas fait que du bien. Alors là, je cite donc cet athlète qui s'exprime. « Ces trois dernières années, ma santé s'est beaucoup détériorée », explique-t-il dans une vidéo confession de 16 minutes. « Je souffrais de fatigue, de dépression, de problèmes de concentration, de raideur des articulations et de problèmes digestifs. C'est en novembre dernier, après avoir survécu à 35 jours de jeûne à l'eau, qu'il a craqué. Face à une santé fragilisée, le jeune homme a tout essayé, allant jusqu'à boire sa propre urine quotidiennement pendant 2 ans, pour retrouver l'énergie qu'il avait perdue au fil des années. De façon générale, je me sentais dans l'excès de quelque chose de mauvais et en carence de quelque chose de nécessaire pour moi, explique l'ancien végan avant de partager sa dure vérité. Pour guérir, je me suis donc nourri de protéines animales, des œufs et du saumon, et j'ai aussitôt remarqué une amélioration de mon état de santé. » Ce que Tim Schiff révèle dans son témoignage, c'est qu'il n'est pas fait pour être végan, du moins pas comme il le pensait. En le dévoilant à ses fans, le freerunner a dû lutter contre la culpabilité et d'y traverser une vraie crise d'identité. « J'ai choqué beaucoup de personnes autour de moi et je me suis choqué moi-même », poursuit-il face caméra, au point de reprendre coûte que coûte le régime végan et de faire en sorte que ça fonctionne quoi cette fois. Déçu et blessé, la firme, donc qui était derrière lui, a regretté l'attitude de celui qu'elle considérait comme son modèle. Pendant des années, Tim a été un exemple du véganisme ainsi qu'un bon ami qui nous a tous inspirés. Mais ce changement de style de vie était quelque chose qu'aucun d'entre nous ne pouvait accepter, ont confié ses anciens partenaires. Si certains ont compris le choix du sportif de renoncer au régime végan afin de faire passer sa santé en premier, d'autres n'ont pas mâché leurs mots accusant la célébrité de lâcheté et de trahison. Suivi par plus de 86 000 followers sur Instagram, Human Timothy, c'est son surnom sur Instagram, s'est attiré les foudres de sa communauté, les uns l'accusant d'être faible, les autres d'hypocrite. Pour ses ex-fans, le nouveau « mangeur de viande », comme il l'appelle, discrédite l'ensemble du mouvement végan, rapportent nos confrères d'un journal qui traite du sujet. Face aux nombreux commentaires haineux, Tim Schiff semble assumer ses positions et n'hésite pas à pousser plus loin le débat sur le véganisme. Je le cite, « Les gens sont déçus de moi et je comprends qu'ils ressentent les ainsi et qu'ils en fassent une affaire personnelle, annonce-t-il dans une énième vidéo, mais personne ne sera jamais déçu autant que je le suis. Mais l'obstination de Tim n'aura pas suffi à préserver sa santé qui continuait sans cesse à s'affaiblir, et si le véganisme affectait trop ma santé, s'est-il alors demandé, épuisé par ses questionnements et ses expériences infructueuses. Alors pour conclure, je cite, « Quand je mange de la viande, mon corps semble mieux fonctionner », admet-il en évoquant un exemple un peu plus concret, je le cite encore, « La première nuit après avoir mangé du saumon, j'ai eu un rêve mouillé alors que cela faisait des mois que je n'avais pas éjaculé. » Donc comprendre qu'il a éjaculé pendant son sommeil après avoir donc mangé du saumon. Lâche-t-il, histoire d'être honnête et transparent avec tout le monde. Après s'être nourri exclusivement de produits d'origine végétale pendant 6 ans, Tim Schiff a fini par accepter ses besoins nutritionnels et à écouter son corps. L'amélioration de ma santé m'a prouvé qu'il y avait chez moi quelque chose de naturel à consommer de la viande. Mon point de vue a changé et m'amène désormais sur un chemin différent, conclut-il. Alors, l'article est long, vous m'en excuserez, mais c'est un témoignage quand même assez de première main, puisque c'était un converti au véganisme qui est relapse, pour le coup. Qui veut prendre la parole là-dessus? Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, tu l'as très bien dit, en fait, il est apostat. Donc, ça montre bien que le véganisme est une religion. Parce que si tu quittes le cercle des initiés, tu es moins que rien, et tu mérites l'enfer. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ensuite, moi, j'ai un peu de sport, hein. Forcément, quand tu discutes entre sportifs, tu discutes d'alimentation, et j'ai vu la percée de la folie, mais vraiment du délire vegan, c'est, on va dire, dernières 4-5 années. Et j'entends mais un nombre de contre-vérités, mais vraiment phénoménal. La pire arnaque est, à mon avis, la promotion des athlètes véganes, et particulièrement, disons, des athlètes de force ou des athlètes qui font des sports de combat. Oui, alors, effectivement, puisque Alexis me le dit, on peut tout à fait être bon vivant, être sportif. Je t'emmerde, Alexis. Merci. Mais comment dire, donc tu voulais dire que les, comment dirais-je, parmi les bon, la personne dont on parle est elle-même un athlète, alors lui fait de la course. Hein. Mais toi, tu dis c'est les athlètes qui ont besoin d'explosivité, quoi. Bah, bien sûr. En fait, bon, il y a différentes, on va dire, on a différents carburants. On n'a pas que de l'essence. On a des carburants qui sont qui vont se développer à échéance différée. La toute première est particulièrement liée à la viande, c'est ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate. C'est l'ATP, c'est la première, c'est la première fonction métabolique, on va dire. C'est pour ça que des gens se prennent de la créatine. C'est parce qu'ils ont besoin d'énergie sur des efforts qui vont ne pas excéder 10-15 secondes. Et ça, c'est très très lié à la viande. Ensuite, bon, il y a le sucre, hein, tout le monde le connaît, donc avec des différents niveaux d'énergie. Et puis après, le gras. Mais chacune de ces énergies, quand on fait vraiment du sport, est forcément apportée par de la calorie animale. Que c'est parce que faut bien comprendre que quand on dit vegan, c'est le rejet de tout produit qui est apporté par l'animal. Donc en fait, que ce soit le lait, les œufs, donc ça c'est ce qu'on appelle le régime végétalien, et puis au-delà de ça, on a évidemment le miel. Donc ces types sont quand même suffisamment tarés pour rejeter la production de miel sous prétexte que les abeilles seraient exploitées par l'homme. Enfin, je sais pas si, faut quand même être particulièrement taré pour s'imaginer ça. Et puis évidemment le rejet du cuir et même lorsqu'on va suffisamment loin, faire un champ de blé qui a été labouré par un animal, c'est pas vegan. La logique, ah oui. C'est ça. Et même si on va loin, élever des animaux pour produire leur merde et pour fertiliser les sols, c'est pas vegan. Bah, tout ce qui a été raffiné aussi, le riz, ça a été raffiné, donc c'est pas bon non plus. Etc. Le sucre blanc, c'est pas bon parce que ça a été raffiné. Comment oui, dire mais... alors du coup, est-ce que chez les gens que tu rencontres, les sportifs, quoi, qu'est-ce qui les porte à adopter ce type de régime, je veux dire ? Alors généralement, c'est des gonzesses, on va pas se mentir. Ah, d'accord. Ouais, oui, non, mais c'est des femmes du tertiaire urbaine. Donc l'aspect vegan, c'est surtout il y a une dimension sociologique, bien plus qu'éthique ou on va dire morale. Parce que, bon, pour moi, c'est quand tu fais... je pense qu'un rugbyman, tu vois, qui soit avant et un peu gras et fort, ou à l'arrière est beaucoup plus explosif et lancé, je vois mal comment il pourrait être vegan. Personnellement, j'en connais pas. Par contre, sur Internet, on te met en avant des types qui sont relativement musclés, qui sont très secs, qui se déclarent vegan. Mais je veux dire, moi, c'est de l'arnaque, c'est de l'enfumage. Pour moi, ces types se suppléments d'une manière ou d'une autre, soit oui. En protéines végétales, qui sont des protéines végétales très très raffinées, hein, donc je sais qu'on fait ça avec de la luzerne, on peut faire de la protéine avec de la luzerne, ou avec les déchets des oléagineux, hein, ce qu'on appelle les tourteaux. Ce qui sont des comment, c'est de l'alimentation à bestiaux. C'est très clair, c'est c'est de la protéine à bestiaux qu'on donne aux bovins notamment. Donc je pense qu'ils prennent des trucs comme ça. Mais pour moi, il y a une illusion qui est le sportif de haut niveau vegan. Éventuellement végétarien, je peux comprendre. Quelqu'un qui ne mange pas de... uniquement pas de viande, mais végétalien, déjà, ça me paraît beaucoup plus improbable. Parce qu'un végétalien ne peut pas manger de pâtes, puisque dans la pâte, il y a des œufs. Vous connaissez beaucoup de sportifs d'endurance qui ne mangent pas de pâtes. Non, non, mais ou pas de riz. Enfin, c'est. Alors, ouais, tu peux effectivement manger du riz, pourquoi pas. Mais. Enfin, je connais pas mal de sportifs, y compris des sportifs professionnels, ou des anciens sportifs professionnels. Je ne connais aucun vegan. Pour l'instant, ça se limite à une mode qui est pratiquée un petit peu dans les salles de sport par des gonzesses qui sont qui voient ça comme une nouvelle religion, comme une nouvelle mode. Mais c'est strictement impossible. Aussi pour une raison assez simple, c'est que la testostérone chez les hommes, qui est indispensable pour pouvoir faire du sport, même chez les femmes, est produite par le cholestérol. Et bon, on sait qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol. C'est remis beaucoup en question par les scientifiques, parce que la seule différence entre le bon et le mauvais cholestérol, c'est une question de densité. Donc, par exemple, si tu fais cuire tes œufs beaucoup trop fort, tu vas augmenter la densité et ça va devenir un mauvais cholestérol. Donc c'est pas une question d'alimentation, c'est plutôt une question de cuisson. Et ça, c'est indispensable à la testostérone. Si t'as pas de cholestérol, tu ne fabriques pas de testostérone, tu fabriques pas de muscles. C'est pour ça que le mec, à mon avis, quand il s'est fait un shoot de saumon, il a dû avoir une remontée d'acide gras et ça lui a provoqué un coup de testo. Non, mais c'est vrai, hein. Ah oui, d'ailleurs, quand tu as une alimentation basée avec beaucoup de gras, tu as beaucoup plus de testostérone, beaucoup plus de peps, quoi. Ça, c'est ouais, bien sûr. D'ailleurs, les sportifs qui font des phases de sèche, donc qui vont pendant quelques mois vraiment descendre à un taux de masse grasse très faible, savent très très bien que quand ils arrivent à la fin du régime, ils n'ont aucune libido. Les mecs ne mentent plus. Non, mais c'est une réalité. Et les mecs te disent, bon, c'est un problème, il va falloir que je commence à remanger. Quand ils arrivent au-dessus d'un certain taux de masse grasse, mécaniquement, les mecs se remettent à avoir une libido. Qui d'autre là-dessus? Qui veut réagir sur le désaveu? Parce que bon, c'était quand même une icône, il a créé carrément une marque de fringues. Enfin, c'est un peu une espèce de gourou. Alors, quand on regarde la vidéo du gars, en fait, le type n'est pas très agressif. Il a plutôt. En fait, c'est plutôt un mâle bêta, paradoxalement, même si c'est un athlète quand même accompli. On voit qu'il est. Enfin, il a pas de. C'est pas un mâle dominant du tout, quoi. Donc, c'est. Ouais. C'est curieux parce qu'il il essaye d'inspirer les gens, mais en même temps, on sent pas trop là, le. Voilà, alors vous allez me dire, bah ouais, mais s'il a pas testostérone, il risque pas d'être dominant de toute façon. Ouais, mais... c'est ce que j'allais te dire, c'est que oui, effectivement, c'est peut-être pas lui qui est là à faire la promotion, enfin, il participait parce qu'il devait en tirer bénéfice, mais il a surtout été mis en avant par des boîtes qui se sont bien empressés de le jeter à la poubelle dès que le type a décidé que tiens, non, j'ai pas trop envie de mourir, quoi, tu vois. Même c'est le ça. Type, malgré son absence de testostérone, il a senti que, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais ça va pas. Imaginez-vous, le jeune, alors le mec, le jeune à l'eau, oui. Oui. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Non, mais de toute façon, quand on est arrivé à boire ta pisse tous les jours, là tu sens que t'es dans une dérive totalement sectaire. Et voilà, hein, donc. Mais c'est un gros coup pour ce délire végan. Alors je voulais dire un truc quand même, c'est parce qu'on peut réfléchir, parce que bon, c'est vrai que si on devait rentrer dans tous les détails, ça prendrait beaucoup de temps. Mais une des racines de ce délire là, c'est simplement que les gauchistes. Ça remonte hein, aux années 60, hein, même un peu avant, mais surtout aux années 60, les gauchistes ont plaqué la grille d'analyse marxiste, oui, sur les animaux. Sur les animaux, mais de la même façon sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur toute une série de choses, mais notamment sur les animaux. Donc en fait, l'homme devient l'exploiteur, hein, et comment dirais-je, il faut mettre un terme à l'exploitation, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'abus hein, dans le passé, je veux dire, des traitements qui ont été très cruels sur les animaux, par exemple, bon, sur les poussins, c'est vrai que jeter des poussins vivants comme ça dans des broyeuses, par exemple, bon, oui, c'est vrai que c'est difficilement acceptable. Mais eux, c'est beaucoup plus radical que ça. Ils en viennent, bon, bah, ce qu'on a dit, quoi. C'est-à-dire, non, je mange plus de viande. Alors, je m'interroge, je me pose la question, mais comment justifie-t-il ensuite dans la nature le fait que les animaux se mangent entre eux? Ça m'intéresse, ça. J'aimerais savoir comment. J'ai deux éléments de réponse. Vas-y. Ils en sont rendus en ce moment, au niveau de la théorie, au niveau des intellectuels, à se poser sérieusement la question. D'interdire, d'empêcher les carnivores de se livrer à la prédation. Ils en sont là, en gros. Hein. Tu as des nanas, si tu veux, qui sont sur des putes sur Instagram, quoi. Hein. Pléonas, excusez-moi. Qui filent à bouffer à leur chat de la bouffe vegan. Bon, bien entendu, le chat, il crève. Hein. C'est pas fait pour. Hein. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu des choses comme ça. Ouais, de la bouffe vegan pour les chats et ils commencent à. Même les chiens. Ouais, d'accord. Donc, donc en fait, la fonction de l'homme consisterait à empêcher les carnivores d'être des carnivores. Ça, ils en sont à peu près. Là, en ce moment, ils essayent de voir comment ils peuvent justifier le truc, en fait. D'accord. Ouais, bah. D'accord. Donc de comment mettre un terme à l'exploitation, de je ne sais pas quoi, des petits poissons par des plus gros poissons, voilà, ça. Alors il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est les des comment on peut dire ça, des néo-ruraux, des hippies un petit peu, qui ont un mode de vie vegan et qui ont essayé d'appliquer en fait la culture végane, enfin la culture, le mode de vie végane, ouais, l'exploitation agricole, et ils se sont rendus compte que c'est totalement impossible. Parce qu'ils avaient besoin des animaux pour maintenir un écosystème, on va dire, sain et écologique. Donc ils en sont tous revenus, parce que ils se sont rendus compte que parfois pour fertiliser ton sol, t'as besoin de merde. Ou t'as besoin, je ne sais pas moi, de coquilles d'œufs pour minéraliser tes sols. Et ils en sont tous revenus, en fait. Tous ont dit, bon, d'accord, on peut-être devenir végétarien, mais le mode de vie vegan, en fait, est totalement antibiologique. Et il est absolument pas incompatible avec la production intensive. Hein, puisque, effectivement, tu peux... Si tu as, je ne sais pas moi, des engrais qui sont d'origine pétrochimique, c'est vegan. Tu vois, tu as des sols qui sont où il y a quasiment plus d'animaux, tu vois, t'as plus de vers de terre, t'as plus toute cette faune qui est indispensable à la croissance des végétaux, c'est vegan. Tu vois, ils n'exploitent pas le sol. Et c'est totalement, comment dire, déconnecté de la réalité, parce que les paysans savent très bien que, notamment dans l'histoire de l'humanité, plus les hommes avaient des animaux, plus la production végétale s'accroissait. Et c'est une réalité. Je veux dire, au Moyen-Âge, quand on a commencé à avoir un peu plus de vaches, les vaches faisaient de la merde, et la merde fertilisait les sols. Et ça a toujours eu... Ça a été comme ça au moins jusqu'à la fin du 19e siècle. Tu vois, quand les paysans ont commencé à tous avoir eu un attelage pour faire tracter leur charrue, les sols s'en sont jamais aussi bien portés. Les sols n'ont jamais été aussi fertiles. Alors, tu parlais aussi d'un point, avant qu'on passe au sujet suivant, qui était la sociologie. Hein. Tu dis, voilà, c'est des femmes, déjà c'est révélateur, des femmes qui... viennent du tertiaire, qui viennent en salle de sport. Donc on est quand même très très loin en fait de la nature, on est très loin de la forêt, on est très loin des écosystèmes, je veux dire, préservés de la main de l'homme, quoi. Et ces femmes-là, ou ces mâles bêta, en fait, qui ont l'air très sensibles en fait toute forme de violence qui, d'après eux, pourrait être faite aux animaux. Moi, j'y vois, en fait, bah, précisément, le stade final de la dévirilisation complète d'une société qui est complètement assistée dans toutes ses tâches quotidiennes par des machines, voilà, et qui a même rompu, en fait, avec le milieu naturel, que la campagne, etc., quoi. Moi, c'est ce que je vois, quoi. Je veux dire, en fait, le paysan, quand il saigne le cochon, enfin, lui, il sait qu'il en a besoin, de toute façon, voilà. Et bon, bah voilà, oui, verser le sang, c'est normal, ça fait partie du truc. Et ces gens-là, en fait, ils sont tellement déconnectés de la nature. Enfin, je dis pas tous, parce qu'il y en a certains, il y a quelques extrémistes qui doivent vivre dans des prairies, comment dire, sous des toiles de tente. Mais pour les végans urbains, pour moi, il y a une contradiction absolue dans les termes. Je veux dire. Ben non, mais ils embrassent leurs conditions de goy, si tu veux. Hein. Ils deviennent du bétail. Ils bouffent des. Ils ne bouffent que de la graine, ce genre de conneries. Ouais, ouais, ouais. C'est... Et ils ont une volonté qui est absolument dictée par l'extérieur. Parce que c'est une mode, hein, le truc vegan. Ouais. Les types en viennent à masquer leurs instincts. Leurs instincts, pardon. Alors, on le disait tout à l'heure avec le gars qui ne bandait plus depuis des mois, qui n'arrivait à boire sa pisse, etc. etc. Ben, voilà, tout ça parce qu'il fallait rester dans le conditionnement du. De la secte. Être vegan, c'est la nouvelle norme. Quoi. Donc, il y a vraiment. Tout ça pue la mort là-dedans. Hein. T'es la condition d'esclave et à la fin, t'as la mort. Ouais, moi une question que je me pose, ouais. Parce que en fait, souvent ces gens-là, bon, c'est des gens qui sont quand même à gauche. On sait que ces gens-là sont sortis de l'histoire dans le sens où non seulement ils ne les connaissent pas, mais en plus ils ne font pas de corrélation entre le passé, le présent, le futur, et n'arrivent pas à intégrer les choses simples comme toute action a des conséquences, des répercussions. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils sont, sortie de l'humanité dans le sens ce qui fait l'humanité, mais parce que l'humanité fait partie de la nature, en fait, d'un écosystème. Donc ils sont sortis de la biologie de base, c'est-à-dire que bien sûr ils continuent à se nourrir, mais tout ce qui est naturel, finalement, et c'est ça qui est véritablement une contradiction, leur échappe, parce qu'il n'y a absolument rien de naturel pour les hommes à refuser de s'alimenter de ce que la nature en général nous donne, c'est-à-dire autant du végétal que de l'animal. Ce sont des gens qui, in fine, je réfléchis parce que je pense en même temps à un commentaire que j'avais vu il n'y a pas longtemps, qui avait dû être écrit par quelqu'un de profondément catholique et qui donc a sa vision politique de la civilisation européenne, bien évidemment, ses considérations spirituelles. Et il disait que l'humanité le transhumanisme, en fait, la modification génétique ou l'amélioration de l'homme par des moyens technologiques nous ferait sortir totalement de l'humanité, que c'est satanique, ce genre de choses. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas déjà là? Car des gauchistes comme ça, véganes à ce point-là, qui non seulement sont sortis de l'histoire, ne comprennent pas le fait qu'ils ne sont pas simplement des individus atomisés, qu'ils ne comprennent plus le principe de civilisation, bon bref, mais ces gens-là sont déjà, en fait, sortis de l'humanité. Ils ne sont... C'est comme des légumes hors sol, en fait. Les mecs n'ont absolument plus aucun, ils n'ont plus de racines, ils n'ont plus aucun lien avec la réalité, quelle qu'elle soit. Bah, ils ont une vision des formes. Enfin, de toute façon, eux, ils combattent la notion d'anthropocentrisme, c'est-à-dire que l'homme serait au centre de l'univers. Donc, ils estiment que l'homme, tu vois, n'a pas de légitimité quelconque à utiliser, si tu veux, de ce qu'ils appelleraient sa force pour opprimer les animaux. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc ils prétendent que l'homme est une créature parmi d'autres créatures dans l'univers, etc. Or, leur attitude démontre l'inverse. C'est-à-dire qu'ils prétendent priver l'homme d'être de sa nature, si vous voulez, de prédateur, donc de manger de la viande, par exemple, c'est-à-dire de manger d'autres animaux, bien que les autres animaux le fassent. Oh, donc ça démontre par A plus B que cette attitude-là est spécifiquement culturelle, spécifiquement humaine. Donc moi, je les trouve au contraire très anthropocentristes, ces gens. Oui, tout très à fait. Anthropocentristes. Il y a une contradiction dans leur approche. Et d'ailleurs, en plus, ça devient tellement ridicule que, comme disait Porovitch, ouais, en fait, ils veulent essayer de plaquer leur conception sur des animaux qui leur demandent rien, en essayant d'empêcher les carnivores de se dévorer entre eux. Enfin, je sais pas jusqu'où ils y sont avancés sur cette piste-là, mais enfin, bon, voilà, bon, on a affaire à des gens, à une secte, voilà, qui a un modèle préconçu et qui ensuite essaie de le plaquer sur la réalité, quoi. Voilà, donc, pour moi, mais c'est des gens dangereux, parce que je vous invite à le regarder, ça c'est intéressant sur YouTube, vous pouvez, alors des documentaires critiques, où vous pouvez voir année après année des gens qui font l'apologie du véganisme dépérir, quoi. Et avoir au bout d'un moment, avoir des problèmes mentaux. Hein. Des problèmes, c'est exactement ça. Hein. Parce qu'en fait, la principale carence qui est bien connue des végans, c'est la fameuse vitamine B12. La vitamine B12 est essentielle pour la neurotransmission. Elle protège les nerfs, tout le système nerveux. Et on a besoin de doses très très faibles, mais on en stocke beaucoup dans le foie. Donc le foie fait office de tampon et de réservoir pendant quelques années. Au bout de 3-4 ans, tu commences vraiment à te dégrader. Ah, je pense que ce qui est arrivé à notre sportif. Hein. Ouais, j'ai entendu dire qu'ils risquaient aussi, au bout de 15 années, une baisse de la masse cérébrale. J'ai pu comprendre que le cerveau était construit à base notamment de corps gras. Et comme c'est régime végétalien, bah, y a pas beaucoup de matière grasse, ça tape aussi sur le cerveau. Ça se voit. Mais c'est marrant parce que des sectes comme ça, il y en a eu beaucoup. Moi, ils me font un peu penser aux cathares. Tu vois, les cathares qui mangeaient... ils mangeaient des poissons, mais ils pensaient que les poissons étaient des végétaux. En fait, ils pensaient que les poissons se reproduisaient par génération spontanée. Enfin bref. Et il y a toujours eu des sectes comme ça, tu sais, un peu gnostiques. Mais là, moi, à chaque fois que je vois un vegan, c'est un taré, quoi. Autant je peux comprendre un végétarien qui te dit que bon, il faut manger moins de viande, que il est normal d'avoir de la viande de qualité élevée dans des pays occidentaux où la bête a eu une vie digne. Ça, je comprends parfaitement. Mais comme tu le disais très très bien, Gandalf, en fait, ces gens projettent sur les animaux des conceptions purement humaines. Et à chaque fois que tu discutes avec un vegan, l'une des choses qu'il te dit, c'est « nous sommes un animal comme les autres ». C'est ça la folie de l'antispécisme. C'est totalement nier, c'est à la fois, c'est contradictoire, parce que c'est nier la spécificité humaine et à la fois projeter sur les animaux les spécificités purement humaines. Donc ils sont vraiment timbrés, quoi. Enfin, pour moi, il faut, si une petite sœur commence à avoir une attitude végane ou une connaissance à vous, il faut la remettre en camp de rééducation, si possible par le cassoulet. C'est ça. Alors je vous propose de passer à la rubrique suivante. Rubrique numéro 2, les amis, islam de l'amour. Alors en fait, j'avais envie de revenir un petit peu comme sur la polémique hijab Décathlon. J'ai des choses à dire là-dessus, vous aussi peut-être. Puis ça a escaladé en fait toute la semaine, en fait, hein. Ça a été plus ou moins sous-jacent toute la semaine. Alors je ne vais pas revenir dans le détail sur la polémique en elle-même, enfin je veux dire sur l'aspect Décathlon de la polémique. Je rappelle simplement brièvement, parce que je pense que nos auditeurs n'ont pas pu manquer cette polémique, peut-être certains. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement l'enseigne de sport Décathlon qui fournit en fait des articles de sport, mais aussi un peu de camping, des choses comme ça, avait annoncé la vente, d'ailleurs tout à fait sciemment et en sachant que ça ferait réagir, ce qu'on appelle un hijab de sport. Donc c'est un voile conçu pour les femmes musulmanes afin qu'elles pratiquent le sport, donc voilà, et qu'elles puissent se couvrir les cheveux, voilà, bon. Donc ça ressemble à quoi? Ben, un peu une cagoule, mais sauf que vous avez la face visible, en fait, voilà. Et sur ce, en fait, il y a eu toute une série de réactions. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est pourquoi j'ai voulu en parler, en fait, c'est des polémiques à répétition, ces trucs-là. Et en fait, c'est du drama qui, pour moi, est monté de toutes pièces. C'est monté de toutes pièces parce que c'est comme le burkini. Ça me rappelle aussi un petit peu la polémique sur les djihadistes là après l'attentat de Strasbourg, avant la grande manifestation qui devait avoir lieu pour les gilets jaunes, où on avait eu Castaner, on avait eu tous les ministres dire bon bah voilà, il y a eu l'attentat, vous restez chez vous, à partir de maintenant les manifestations s'arrêtent. Et là, pendant plusieurs jours, on a vu RMC, RTL, alors, les djihadistes. Donc après l'attentat, hein, comment on fait le bracelet, on le met où, il faut que ce soit bon. Et en fait, ce sont des discussions sans fin sur des points de détail qui permettent d'exciter la population sur un sujet qui polarise, c'est-à-dire que les médias savent que ça polarise, mais en même temps dont on est sûr qu'il ne va pas déborder du cadre convenu entre les différents faux protagonistes, c'est-à-dire en substance, et ça c'est eux qu'on voit là-dessus en permanence, c'est le parti Les Républicains. Donc il y a Wauquiez, il y a une Algérienne aussi, là j'ai oublié son nom, Guy Rousse, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est une spécialiste de ça, les Orhabitants, là, les espèces de... Oh, c'est... Bon, et là, là c'est la guerre contre le voile, on nous sort la Zineb, alors l'autre bougnoul à qui on a fait une permanente, elle arrive en disant espèce de passionnariat pour la liberté des femmes. Marianne, parle de Marianne. Voilà, Marianne, voilà. Mais pour des raisons évidentes sur lesquelles je vais revenir, ça tourne en rond, mais ça occupe l'espace médiatique. Ben, ça permet d'évacuer les frustrations, quoi. C'est-à-dire que les ouais. gens qui... Bon, tu sais, bon, là, les gens, quand même, ils ont... les Arabes, ça commence à les faire chier, tu vois. Donc là, ils ont leur truc, quoi. Le hijab Décathlon. Ils vont pouvoir... exprimer leur colère, hein, sur le décathlon. Vous n'aurez pas, comment dire, vous n'empiéterez pas sur mon sport, sur mon footing, un truc comme ouais. ça. Ça les énerve, ça les calme, voilà, ils évacuent leur frustration, et puis on passe à autre chose. Qui d'autre sur cette polémique? Moi j'ai d'autres trucs à dire, mais si quelqu'un veut prendre la parole. Alors, c'est au Maroc, je crois. Hein. C'est assez le produit qu'ils vendent en France. Ah, le produit, je veux dire, c'était censé être commercialisé en France. C'était fait pour la France. Honnêtement, moi, je comprends pas trop, en fait, quand t'es une femme musulmane pratiquante, ce qui est le cas si tu portes le voile, en France, en tout cas. Je vois pas trop ce que tu vas faire, en fait, à faire du footing. Une femme musulmane pratiquante, bah, tu restes chez toi, en fait. Donc, ce genre de polémique-là... Bon, c'est des trucs un peu fabriqués de toutes pièces, ouais. Comme tu faisais le parallèle avec le burkini, quoi. Ça, c'est pareil, quoi. C'est des attrape-nigauds. Bah, en fait, qu'est-ce qui me dérange énormément avec ce type de polémique? Évidemment, je comprends les ressorts psychologiques de la propagande, c'est-à-dire que les gens savent, enfin que les médias savent. Bon, je vais même dire, soyons précis, les médias juifs savent qu'il y a une saturation vis-à-vis de l'immigration. Que cette immigration qui est majoritairement musulmane est visible. Pourquoi? Bah parce que à chaque Ramadan, quand vous allez au supermarché, et même quand c'est pas Ramadan, on vous fait bien comprendre que vous coexistez contre votre volonté avec des Algériens, des Marocains et allez savoir quelle autre ethnie musulmane. Y a des mosquées de plus en plus. Les maires de vos communes vous font savoir à quel point ils adorent construire des mosquées. Bon, les gens saturent, ça c'est un fait. Donc ça, ils le savent. Le caractère, surtout, visible culturellement, de cette immigration. En même temps, il ne faut pas que ça devienne un débat de fond, donc un débat sur racial. La race. Voilà, racial. Voilà, on subit une invasion qui a un caractère biologique, qu'on le veuille ou pas, dont effectivement l'islam est un aspect visible, et pas le seul, parce que quand vous avez des chrétiens animistes du Congo qui vous envahissent, ça va pas être tout à fait les mêmes manifestations religieuses, mais ça va quand même être une très grosse nuisance. Même si les musulmans sont particulièrement agressifs, c'est un fait, au quotidien, quoi. Et du coup, pour moi, ce type de polémique permet, comme tu l'as très bien dit, Derek, d'évacuer la pression, la colère qui monte, tout en étant certain qu'on va pas aller au fond du problème. Pourquoi? Parce que là, et ça les médias juifs jouent un rôle crucial là-dedans, les médias vont vont organiser le débat. Donc ils vont prendre, vous savez, une espèce de... Parfois, ils vont prendre un islamiste à peine déguisé, qui va un peu servir de punching ball, Puis en face de ça, on va vous sortir les femelles émancipées dont j'ai parlé, quoi, les ineb, zorabitans, tous ces choses-là, enfin, qui sont des beurettes, en fait, pro-juives. Hein. Zorabitans, elle va en vacances en Israël, par exemple. Zineb, bon, c'est Charlie Hebdo, bon, ça, c'est une succursale du CRIF et de Bernard-Henri Lévy. Donc, bon, tout ça est cousu de fil blanc. Et en fait, le débat va devenir les bons musulmans contre les mauvais musulmans. Hein. Les musulmans républicains contre les mauvais musulmans. Qui ne sont pas républicains. Quelle est la conclusion de ce débat-là entre le débat sur les bons musulmans et les mauvais musulmans? C'est quoi la conclusion? Bah, la conclusion, c'est que, comme il y a des bons musulmans, l'islam peut être intégré dans la société française. Et comme le dira d'ailleurs, j'ai entendu la réaction de Nicolas Dupont-Aignan, et comme le dit d'ailleurs Marine Le Pen, elle dit « Le salafisme ne représente pas nos compatriotes musulmans qui pratiquent par ailleurs un islam tout à fait compatible avec les valeurs de la République. » Voilà. Et vous tournez en rond. Vous n'avez pas parlé d'immigration, vous n'avez pas parlé de fracture ethnique et raciale, vous n'avez pas parlé de la criminalité qui s'ensuit, de la balkanisation, etc. On résume ça à voilà, un article de sport, islamique de sport, vendu par Decathlon. Ils l'ont retiré, on est content, quoi. C'est typiquement des polémiques de diversion qui ne font pas avancer d'un centimètre le questionnement sur les vrais sujets. Ça, c'est le premier point. Et pire, ça renforce la narration du système. Parce qu'ils peuvent exhiber tous leurs musulmans républicains, là. Singulièrement des femmes. Ils peuvent le dire, bah voilà. Et donc les gens disent, ah bah, il y en a quand même des biens. Voilà. Et on reste là-dedans et on végète, quoi. Donc voilà, ça c'était un premier point que je voulais souligner. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus. Pas spécialement. D'accord. Non, t'as tout dit, hein. T'as tout dit. C'est ce combat-là contre les atteintes contre la laïcité, c'est gonflant, quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu fais venir des bougnoules, bah oui, t'as des musulmans. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ouais. Voilà, c'est tout. Si, une seule chose que je peux dire, en fait, c'est que ce que font les médias là, avec cette histoire, ça s'appelle du framing. Alors, en anglais, c'est parti des théories politiques ou même de pique-parti, c'est-à-dire que la personne ou l'institution là va contrôler la narration en instaurant un cadre dans lequel le débat va se dérouler. Et en fait, les acteurs contre-politiques comme nous, ou comme simplement un auditeur qui voudrait débattre avec quelqu'un, il doit reprendre le contrôle sur le frame, donc sur le cadre qui entoure le débat, et le replacer à sa manière, en fait, pour contrôler la narration. Et donc, par exemple, là, si on était confronté dans un débat comme ça, quelqu'un qui voudrait parler de ça, faudrait tout simplement dire, bon musulman, mauvais musulman, on s'en fout, la question elle est pas là, la question c'est l'envahissement racial. Et là, on repart sur la discussion qui est basée sur le problème racial, donc la base. Tout à fait, tout à fait. Et dans le framing, c'est bien formulé, comme dans ce que tu dis, c'est que ceux qui vont créer ce débat-là au niveau médiatique, parce que c'est les médias, hein, c'est les grands médias qui peuvent donner ou non une ampleur nationale à un débat, hein, c'est eux. Hein. C'est très simple, thèse, antithèse, synthèse. Donc il y a une thèse, en l'occurrence, Decathlon veut vendre de hijab, il y a une antithèse, non, c'est inacceptable, ce n'est pas républicain, synthèse, oui, mais il existe un islam irrépublicain, voici les féministes d'origine musulmane qui vont refuser de porter le voile. Voilà, la boucle est bouclée, vous l'avez dans l'os. Et ça ne s'est pas arrêté à ça, parce que c'est aussi pour ça que je voulais en parler, puisqu'on a bien vu que Macron et ses conseillers en communication, donc d'ailleurs c'est une négresse qui pilote son affaire, selon ce qu'on en sait, a mis en scène son propre point de vue, d'accord? Donc il y a un islam républicain, mais lui s'est décalé un petit peu par rapport à ça, ce qui est très intéressant, très révélateur. Ça lui permet de se contraster, si vous voulez, d'accord? Donc en gros, quand il y a eu ce débat Decathlon, la synthèse, c'est celle que j'ai dite, c'est les femmes d'origine maghrébine sans voile qui disent « c'est inacceptable, le féminisme, la République, la laïcité bon. ». Ça, c'était au milieu de la semaine. Donc les gens retirent ça comme conclusion, d'accord. Il enchaîne, Macron, parce que Decathlon a quand même retiré son hijab. Donc la narration, vous la suivez, mais Macron rajoute un truc, il se met en scène, en train de se faire interroger par une moukère en voile, parlant arabe, qui est en France depuis 5 ans et qui demande les papiers, j'y veux les papiers, comment j'ai fait pour avoir les papiers? Est-ce que non, elle ne demande même pas ça, oui. Elle parle carrément en arabe, elle ne parle pas un mot français. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, elle parle en arabe. Sauf que, alors, on va mettre la séquence, parce que, bon, la séquence, elle est en arabe, donc les gens ne vont pas en retirer grand-chose. Mais, comment dire, ce qu'on sait, c'est que cette salle était réservée aux femmes. Donc ça ne tombe pas par hasard non plus. Macron dit que dans son grand débat, bon, quand même frelaté, disons-le, il veut s'adresser aux femmes spécifiquement. Donc il y a une salle qui est réservée, Macron arrive, et les hommes n'ont pas pu rentrer. Donc c'est une salle non mixte. C'est une innovation, ça, en France. Salle non mixte. On remet de la non-mixité en France. Ah tiens, pendant très longtemps, on nous a dit qu'au contraire, la République française, c'était au contraire de permettre la mixité. Hein, depuis au moins une cinquantaine d'années, c'était ça le discours officiel. Visiblement, maintenant, il faut arrêter un peu avec la mixité et remettre des femmes ensemble. Et là surgit donc cette Algérienne qui s'exprime même pas en français et qui, bon, voilà, déblatère ses trucs et interpelle le président et dit « Moi, je veux les papiers, quoi. » Donc en arabe. Sauf qu'on a su que pour s'assurer qu'il n'y ait pas de femmes, d'hommes dans la salle, il y a eu un filtrage par les équipes de Macron. Donc cette maghrébine qui est rentrée, qui n'avait pas de carte d'identité par définition, parce qu'elle n'est pas française, on l'a laissée rentrer. Et elle a pu interroger le président de la République, parce que vous pensez bien que c'est pas n'importe quel pelé qui peut prendre le micro pour parler au président de la République française. Hein, c'est calculé quand même. Donc cette gonzesse qui a parlé dans sa langue, Macron lui a dit caressé dans le sens du poil. Ça, parce que tout le débat il est organisé au niveau français, ça dure des heures, c'est sur toutes les chaînes d'information, personne ne peut le louper. Sur ces entrefaites, vient la contre-offensive face au hijab de Décathlon, parce que c'est quand même une défaite pour l'islam. En France, comme ils disent, la pénétration islamique. Le fait est que Décathlon a cédé. Décathlon a cédé, mais il a cédé sous la pression de l'opinion publique. Bon, indépendamment de la narration dont on a parlé ensemble précédemment. Et là, intervient l'homme de main de Macron, qui est Yacine Bellatar, humoriste, entre guillemets, de son état, d'origine marocaine, qui est en fait le relais de Macron auprès des frères musulmans, les islamistes bien connus, quoi. De l'UOIF, voilà, et aussi plus un peu monsieur banlieue, quoi, hein, officiellement ou officieusement, enfin plutôt officieusement d'ailleurs, donc qui relaie le message de Macron dans les banlieues françaises ou auprès de gens qui sont de ces milieux-là, ouais, des rappeurs, etc. Bon. Et lui, il intervient et il se victimise sur Twitter en disant « J'ai été agressé », et effectivement, il y a un type de Lyon, un cadre d'une boîte de cosmétiques, un Français, qui l'a traité de sale islamiste de merde parce qu'il avait pris position pour le hijab. Et il avait appelé à manifester, il appelle au mois d'avril, je crois, une manifestation pour le hijab, au nom du féminisme. Vous voyez comment c'est ficelé. Et là, sur Twitter, il s'est victimisé à outrance, il a dit « voilà, je suis agressé », etc. Alors que l'autre n'a fait que le traiter de sale islamiste de merde. Réaction des médias, LCI, Le Monde... Bellatar subit des tweets racistes. Qualifier quelqu'un d'islamiste, maintenant c'est un tweet raciste. Le Monde titre les tweets haineux qui visent Yacine Bellatar. Bon. Et là, ils soutiennent donc Bellatar qui va organiser au mois d'avril sa manifestation pro-hijab. Donc, la boucle est bouclée, pratiquement. Hein, voilà. Macron s'est différencié du courant républicain avec les pétasses maghrébines, machin. Il a dit, il a laissé le truc tourner, et il va passer, il n'aura pas, si vous voulez, violé l'orthodoxie républicaine en tant que telle, il n'a pas pris position pour le voile islamique. Hein, il a rien dit, d'ailleurs Schiappa a fermé sa gueule sur le hijab. Mais, grâce à cette mécanique-là, le message va passer dans tous les banlieues de France. Macron, il n'a aucun problème avec le voile islamique. Vous voyez comment c'est foutu un peu, comment la mécanique tourne. Et puis on peut aller, on peut demander des papiers, voilà. C'est notre gars. Voilà, bon, les élections européennes approchent. Hein, voilà, bon, les élections européennes approchent, faut que ça vote, quoi. Bon, bah voilà. Et alors, bilan des courses avec cette histoire de vraies fausses polémiques hijab. Est-ce que les femmes portent le voile en France, musulmanes? Oui. Oui, elles le portent dans la rue, on le voit tous les jours. Est-ce que le hijab ne peut pas être commercialisé parce que c'est interdit? Non, c'est parfaitement légal. Donc, est-ce que vous aurez moins de femmes voilées demain dans les rues? Non. Oui, c'est-à-dire que là, en fait, ça porte sur la femme voilée qui fait du footing. C'est-à-dire la femme à barbe, en gros. Hein, c'est à peu près aussi, voilà. aussi courant que ça, quoi, hein, au niveau de l'occurrence, que tu peux la chance de la croiser dans la rue. Donc oui, c'est vraiment le combat qui ne sert à rien. Hein, rien du tout. Bah, c'est-à-dire que l'extrême droite, c'est parti de là, a pu s'exciter sur le voile, tomber dans la narration bon musulman, mauvais musulman, avec à la clé les bons musulmans qui disent nous sommes de bons républicains. Le bilan des courses, c'est que la droite se retrouve à dire on aime les bons musulmans, on est contre l'obscurantisme, vive l'assimilation républicaine. Donc, fini les questions d'immigration, de fracture raciale, c'est terminé. Et de l'autre, Macron se distancie, c'est-à-dire lui va récupérer la mise auprès de sa clientèle politique en disant, en faisant comprendre par ses intermédiaires qu'il n'est pas du tout contre le voile, voire qu'il trouve ça un peu excessif. Donc ils ont canalisé la droite et ils ont envoyé les bons messages dans la faune islamique française qui votera en conséquence. Voilà, voilà, voilà à quoi sert ces polémiques à la con. Du coup, chers auditeurs, si vous soutenez activement le FN en prenant votre cotisation, s'il vous plaît, abstenez-vous. Si vous militez chez eux, s'il vous plaît, abstenez-vous. Parce que plus vous continuez en fait à soutenir cette entreprise morbide qui ne sert qu'à faire en sorte que la grosse Le Pen puisse avoir une rente, ben vous aidez les juifs en fait à nous bouffer. Ben, c'est-à-dire que moi j'écoute Nicolas Dupont-Aignan qui est sur ce registre-là, je veux pas que mes filles vivent en Arabie Saoudite, etc. Mais les gens, il faut quand même qu'ils comprennent un truc. C'est des faux débats, je l'ai dit, je vais quand même le répéter, mais je veux dire, c'est légal. La législation française, républicaine, loi 1905, tout ce qu'on veut, n'interdit pas les femmes de porter le voile dans la rue. Ça ne concerne que la fonction publique. Donc, il n'y avait pas de débat à l'origine. La commercialisation de ce hijab est possible, tout le monde le savait. Les femmes musulmanes peuvent circuler voilées en France, elles s'en privent pas, on le sait. Donc, il n'y a rien qui a avancé d'un centimètre. Il y a juste des gens qui ont ragé en disant « Oh là là, il y a quand même trop de femmes voilées. » Oui, mais elles vont pas se dévoiler pour vous faire plaisir. Et là, moi, je veux rentrer dans un petit sujet qui me tient à cœur. Peut-être, je sais qu'ici aussi, il y en a beaucoup. C'est pour ça que je parle beaucoup de sujets, enfin, d'aller au fond, de sujets de l'immigration, de la fracture raciale, de la submersion migratoire. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie que les musulmanes, elles se dévoilent. J'ai pas envie que les maghrébines me montrent leurs cheveux, leur visage. Je m'en fiche, c'est pas mon sujet, quoi. Que les mâles musulmans veulent voiler leurs femmes, moi ça me va très bien, c'est leurs femmes, ils font ce qu'ils veulent avec. Si leurs femmes, elles veulent être voilées ou pas, enfin, c'est des thématiques qui sont intra-communautaires chez eux, ça nous concerne pas. Or, avec cette histoire-là d'assimilationnisme républicain, on veut à toute force mélanger l'huile et le vinaigre, pour citer le général de Gaulle. On veut à toute force nous faire accepter des maghrébines au sein de notre société, parce que des putes maghrébines, pour une raison qu'on ne sait pas, feraient monter le niveau de la culture moyenne en France. Je dis « on dit souvent « on est un con ». En fait, c'est les juifs qui veulent ça. Hein. C'est pas par hasard que c'est Zineb, dont j'oublie toujours le nom, enfin le nom de famille, qui intervient sur les ondes, et dont on sait que c'est une obligée de l'écurie de Bernard-Henri Lévy. Pareil pour Zorabitan, qui se flatte d'aller visiter Israël, où, dit-elle, les musulmans et les juifs coexistent en paix. Voilà, donc, voilà, c'est... Et ça, alors, peut-être que ça a sa place, je sais pas, à gauche, j'en sais rien, mais dans des partis nationalistes, non. Et aujourd'hui, le fait est qu'il n'y a personne, il n'y a pas eu... sauf peut-être dans des petits partis, mais j'ai pas écouté, mais il n'y a aucune personne qui n'a dit clairement, écoutez, la question, c'est pas le voile ou pas le voile, la question, c'est cette immigration extra-européenne qui nous submerge et qui nous importe ses codes culturels, etc. Moi, je veux dire... Voilà, parce qu'on va avoir plus de musulmanes, tu porteras moins de voile quand elles font leur footing, donc c'est bien, ça, quelque part, on a gagné. Ouais, voilà, c'est ça. C'est totalement absurde. Hein. Voilà. Bah, c'était l'état du débat cette semaine sur cette question. Voilà. C'est ça. C'était autisme radical, bonjour. Voilà. Et je répète, si l'on ne se débarrasse pas de la grosse alcoolo-tabagique Le Pen et de toute sa caste de Rémora et autres poissons pilotes, on va pas s'en sortir. Bah, j'ai été navré de voir que les anciens, parce que je sais pas, l'organisation identitaire, elle a pas communiqué, mais des cadres des identitaires qui étaient sur une ligne racialiste, excusez-moi, il y a encore 10 ans, quoi, ne parlaient que de voile. Ils sont dans un discours néo-conservateur. C'est le discours Sarkozy pour justifier l'intervention française en Afghanistan. On va libérer les femmes afghanes de leur mal. Hein, on va aller enlever le tchador aux femmes. Voilà. C'est comme ça qu'on a vendu l'intervention française. Donc le fait qu'on ait perdu, je crois, plus de 80 soldats en Afghanistan, on l'a justifié comment ? Auprès de la plèbe, on a dit bah, on va aller libérer les moukers d'Afghanistan de leur barbu. Hein. On va leur permettre de montrer leur nichon. Hein. Ça va être ça, voilà, c'est ça le projet de société. Bon, ça a foiré lamentablement, comme vous le savez. Mais c'est quand même fou, quoi. Ça va bientôt faire 20 ans que les juifs nous ont vendu ça, on y est encore. Bon. Quand on arrête les frais avec ces conneries, je veux dire. C'est une interrogation, j'ai pas la réponse, mais voilà. Et encore cette semaine, on a eu ce cirque. La prochaine fois, donc ça sera pas le burkini, ça sera pas le hijab décathlon, ça sera pas la taille du bracelet électronique ou sa couleur sera pour. Ça va être le camis de trekking. Non, je crois que ça va être la couleur des poussettes pour les enfants de djihadistes qui reviennent de Syrie. Je crois qu'on va en va être là. Ah quoi. Oui. On va en être là. Bon. Quelqu'un d'autre, quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus ou pas ? Oui, il faut absolument se débarrasser de l'alcoolo tabagique Le Pen. Et de Marion Maréchal Jeanne d'Arc de 1050 aussi. C'est ça. Alors, l'émission ne serait pas complète pour cette première partie si nous ne parlions pas de quelqu'un qui a cherché à toute force à être la sale gauchiasse de la semaine pour notre rubrique numéro 3, et qui, je sais que certaines personnes vont penser que c'est de l'acharnement, mais c'est un fait, c'est Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille, et quand même président de la Conférence des évêques de France. Donc c'est lui qui incarne la plus haute autorité spirituelle française, je tiens quand même à le souligner. C'est pas le premier venu, c'est pas un obscur prêtre de gauche, non, c'est vraiment le porte-parole des évêques de France. Et il a tenu à s'exprimer, puisqu'en parallèle de ces histoires de voile dont nous avons parlé, et de l'antisémitisme, je m'en voudrais quand même de dire aussi que pendant une semaine, peut-être je vais dire ça quand même, cette semaine donc c'était la semaine des musulmans, là Macron s'est un petit peu rattrapé, parce qu'il en avait fait tellement pour les juifs. D'ailleurs, Bellatar, vous vous rappelez de ça, Bellatar, il a claqué la porte de LCI parce qu'ils ont invité Zemmour. Donc là, il y a une querelle intersémitique hein, entre les mahométans d'un côté et les juifs de l'autre. Alors Macron, qui en avait fait des tonnes toute la semaine précédente, qui a culminé au CRIF, comme on en a parlé la semaine dernière, cette semaine, il s'est rattrapé à l'occasion de cette polémique dont on a parlé à maintenant. Mais avant, il y avait certaines personnes ont essayé de raccrocher au train de l'antisémitisme les églises qui sont attaquées. Vous avez remarqué ça dans la presse. C'est-à-dire que je pense que les juifs se sentent assez peu nombreux, ils ont essayé de raccrocher les catholiques à leurs histoires, en disant, bon oui, les synagogues sont attaquées, mais bon, les catholiques aussi. Hein. Donc, il va falloir faire bloc autour de nous. C'est là-dessus que réagit l'archevêque de Marseille, puisqu'on a eu toute une droite qui a tenu à nous dire, bah oui, effectivement, il faut être solidaire avec les juifs, parce que quand même, nos églises aussi sont attaquées, c'est dramatique. Alors, écoutons ce qu'a à nous dire la plus haute autorité française catholique. Je cite là le journal Le Point, hein, il donne une interview. Un ensemble de signes montre que nous avons changé d'époque dans les pays occidentaux et notamment en Europe. Auparavant, en France notamment, la société civile s'organisait par rapport aux repères chrétiens. Ce temps est fini. Donc, le premier évêque de France, archevêque, représentant tous les évêques de France, dit « Les repères chrétiens en France, c'est fini. Nos sociétés sont devenues plurielles sur le plan religieux, y compris dans le monde chrétien. Il ne faut pas se lamenter de cette évolution. Donc je suppose qu'il ne faut pas s'en lamenter, il faut s'en féliciter. C'est ça que ça veut dire. Il y a eu récemment une série de profanations... Là, c'est le journaliste qui pose la question. Il y a eu récemment une série de profanations d'église en France. Vous sentez-vous attaqué en tant qu'archevêque et plus généralement en tant que catholique? Réponse. Il faut distinguer les vraies profanations des actes imbéciles. Il faut connaître les intentions des auteurs autant que possible. Sur ce sujet, nous adoptons une posture raisonnée. Nous ne voulons pas développer un discours de persécution. On ne veut pas se victimiser, c'est ce qu'il dit. On ne veut pas se victimiser. On veut pas se victimiser. Le judaïsme est porteur dans son histoire d'une lutte continuelle contre des groupes antisémites. Nous, les catholiques, aujourd'hui en France, n'avons pas affronté de telles violences au quotidien. Nous ne sommes pas victimes de catophobie. Une évolution culturelle a modifié le rapport entre la religion et l'orientation de la vie en société. Voilà le point. Je ne vois pas quels faits permettent à ces politiques, donc les droitards dont on a parlé, de tenir un tel discours. Alors là, je vous interroge, Bah, allez. C'est le problème. Il y a l'expression plus royaliste que le roi. Oui. Bon, il y a plus catholique que le pape, plus catholique que les évêques, plus catholique que les prêtres. Mais ça commence à faire beaucoup, quoi, pour ça, quoi. Moi, je pense beaucoup à Dornelas. Hein. Je veux très fortement à Dornelas, oui. Qui a essayé quand même de nous refourguer. Hein, refourguer ouais, quand la Jeanne d'Arc du Bénin. Ouais. La Jeanne d'Arc du Bénin, voilà, avec De Villiers. Hein, tous ces machins-là qui sont là. Jeanne d'Arc. Oui. Bon. Moi, je dis, écoutons, parce que Dornelas est une journaliste. De Villiers tient un parc d'attractions. Hein, alors, ça parle catholicisme matin, midi et soir, mais moi, je préfère écouter ce qu'a à nous dire la véritable autorité constituée. De la religion concernée. Ouais. Alors je sais qu'il y a des vacantistes, oui, mais c'est pas le vrai. Bon, c'est l'autorité constituée, hein, reconnue par la grande majorité. Donc j'écoute. Voilà. Ouais. En particulier sur Marseille, j'ai souvenir, il y a quelques mois, il y a un bâtiment de l'évêché, là, près de. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est près du conseil régional, je crois. Qui est ouais. En fait une énorme pouponnière à nègre. C'est-à-dire que. Mais il en parle après. Ah bah ouais. On va y revenir. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors j'ai envie de poser une question à nos participants là. Lui il dit en gros, hein, on va pas se victimiser, c'est inacceptable. Mais il dit les vraies victimes c'est les juifs. Donc il reconnaît oui. qu'il y a une hiérarchie quand même. Hein. Il dit voilà, il y a ceux qui ont le droit de l'ouvrir. Hein, et nous nous subordonnons et nous nous dissocions radicalement de tous ceux qui essaieraient de nous plaindre. Voilà, donc on sent quelqu'un qui est concerné par l'avenir de son église. Hein, Bon, Porovitch, je sais pas, je sais que tu aimes bien les sujets quand même un peu spirituels en règle générale. Alors t'es pas chrétien, mais de voir ça, est-ce que ça t'interpelle? Est-ce que tu dis bah non, il y a rien à en tirer particulier ou Ouais, je pense que la situation de l'Église catholique, elle est catastrophique. Et il n'y a vraiment rien à attendre du clergé. Quoi. C'est mort de chez mort. Moi, je serais chrétien, je me désolidariserais complètement de ces gens-là. Quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire, que vous voulez dire ça, ce genre de discours d'un évêque Mais bon, c'est comme ça depuis des décennies maintenant. C'est vraiment triste à pleurer, quoi. Quelqu'un d'autre? Non, pas spécialement. Sinon, je continue l'interview de Pontier. On lui pose la question sur le hijab. Voilà, voici ce qu'il dit. Voilà la question. La vente d'un hijab de running, donc de course, hein, par la chaîne de magasins d'articles de sport Decathlon porte-t-elle atteinte à la laïcité? C'est une vraie question. Nous, non-musulmans, alors notez bien la phraséologie, hein, il ne dit pas nous chrétiens, non-musulmans, hein, sommes promptes à y voir un signe religieux ostentatoire. Avant de nourrir la polémique, il serait bon d'écouter ce débat entre eux. Nous sommes dans une période où l'islam se cherche encore une place dans la société française et, depuis les événements terroristes, la peur et les réactions passionnelles prédominent. En l'occurrence, pour ma part, qu'une femme porte un hijab, pour courir, ne me gêne pas. Je pense qu'on a parlé du hijab, on va pas remettre le couvert, mais ça vaut le coup de citer l'évêque. Pourquoi ne parvenez-vous pas à imposer dans le débat votre vision de la politique migratoire, enjeu qui vous tient à cœur? Frédéric, on arrive vers chez toi. Il est dommage que cette question humaine devienne un objet politique. Nous sommes dans une époque de grands bouleversements où les sociétés riches ne perçoivent pas les drames qui se jouent dans les sociétés très pauvres. Notez l'argumentaire marxiste. Hein. Notre premier souci est de nous protéger. Certains vont même jusqu'à invoquer la défense des racines chrétiennes, voyons. À Marseille, depuis le 18... Ah oui, c'est ça, oui. Oh. Référence chrétienne, mon Dieu. À Marseille, depuis le 18 décembre, un bien immobilier que nous étions en train de vendre est occupé par 250 migrants, adultes et enfants. Nous avons même eu 9 naissances. Si ces mères n'avaient pas été dans ce lieu, elles auraient accouché dans la rue. Autre question. Le fossé entre l'Église et la société qui l'entoure, en Europe et en France particulièrement, est-il en train de se creuser ? Je ne ressens pas une église morte, j'y perçois même de beaux signes de vie. Dans le diocèse de Marseille, nous allons baptiser une centaine d'adultes de 18 à 60 ans. Aux Journées mondiales de la jeunesse à Panama en janvier dernier, la délégation française était numériquement la seconde la plus importante. Cher Derek, une église vivante, oui. Une église qui a une maternité improvisée. Voilà, alors on est là début mars, et c'est les 250 nègres ils sont depuis le 18 novembre. Il y a déjà 9 naissances. Respirer, souffler, voilà. Ça c'est ce qu'on appelle c'est le renouveau de la foi catholique. Hein. C'est comme ça qu'on va évangéliser le monde. Hein. Ou l'inverse. Oui, ou l'inverse. Ouais, ou l'inverse. Négrifier l'Église. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça va aller. Hein. Oui, il ressemble pas à une Église morte. Bon. Question point de vue, quoi. Tu as parlé du fait du marxisme, c'est vrai que c'est le cas. C'est tout est la grille d'analyse de ces gens, c'est les pauvres, les gentils pauvres, et les riches. Nous sommes les méchants, les exploiteurs. Ouais. Et il dit dans son truc, il dit on a tendance à penser à se défendre. Ah oui, c'est... Oui, oui, mais vous voulez défendre votre fille, vous êtes complètement dingue, monsieur. Oui, et le message évangélique et le Coran, vous en faites quoi? Bon, Je vous dis, Pontier ne vit pas dans une banlieue malfamée de Marseille, hein. Je tiens quand même à vous rassurer. Chez ces gens-là, on vit quand même dans le confort, hein, et la sécurité, pour le coup. Fulbert, j'ai envie de t'interroger quand même sur cette hypocrisie, parce que c'est les premiers à... Je vais peut-être dire ça. Je trouve que ces mecs sont... n'ont pas changé, n'ont pas varié, ces évêques. Ils sont toujours aussi moralisateurs. Ils sont toujours aussi hypocrites, toujours aussi perfides qu'auparavant, simplement, ils ont changé de registre. Donc, comme leur business, c'est d'instiller la mauvaise conscience pour exister, mais qu'ils ont compris que ce n'était pas avec des histoires d'enfer, de damnation éternelle qu'ils parviendraient à obtenir ça, ils ont simplement repris les lubies des marxistes, et surtout les histoires d'immigration. Outre la démographie, parce que j'ai déjà dit, hein, cette église catholique-là, sous Bergoglio et ses successeurs et ses prédécesseurs, mais sur ses successeurs, joue la démographie marron contre l'Europe. C'est très clair, c'est un plan. Mais en plus de ça, la question de l'immigration et des migrants leur permet de retrouver un nouveau prestige. On leur tend les micros dans les médias. Ils peuvent commencer à sermonner la société civile, les pouvoirs publics. Ils ne pouvaient plus le faire, hein, sous le régime républicain. On n'écoutait plus un curé. Hein. Maintenant, ils peuvent sermonner le préfet. Ah, mais quand même. Et l'accueil, que faites-vous de l'accueil? Voilà. Ils retrouvent une fonction. Une fonction destructrice, mais une fonction. C'est ce que je voulais dire. Fulbert, j'ai envie de t'entendre là-dessus. La Belgique aussi, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, vos évêques. Vous, à Anvers, vous avez un évêque qui prône, hein, le mariage des anus, je crois, si je me rappelle. Ouais, exactement. Ouais. J'ai oublié son nom d'ailleurs, à ce couillon, mais bon, ouais, on est dans la même mélasse en France, en Belgique comme en France, quoi. Il n'y a rien à faire. Hein. Ils sont peut-être moins à entendre en Belgique, mais c'est peut-être parce qu'il y a une bonne moitié de la population qui est flamande et qui parle une autre langue, c'est possible, je ne sais pas. Ah, ils vous harcèlent pas, vos évêques, pour vous implanter des nègres, des migrants, le secours catholique, ça, ils sont pas en train de vous harceler pour vous en imposer? Si, absolument. Non, il y a, je te dis, la situation est relativement similaire, hein, il y a, tu sais rien foutre avec ces gens-là, moi je me demande, tu sais, je répète méchant, mais tout à l'heure quand tu parlais des, je sais plus combien, les 7 ou les 9 naissances, là, ouais. Mais Pontier, mais il doit être ravi avec toute cette homosexualité et cette pédophilie qui remplit le Vatican et qui probablement s'étend ailleurs, bah, il doit être content, il va avoir de la viande, le gars. Hein. Je sais pas, moi, je le vois comme ça. Bon, je suis pas connaisseur dans le domaine, j'en sais un petit peu, je vois un peu ce qui se passe, mais je ne me suis jamais documenté, je trouve que c'est aller, c'est retourner la merde, en fait, c'est touiller la merde, mais bon, il faut le faire pour d'autres, pour avertir les autres. Je ne saurais guère t'en dire plus, hein. Non, mais ça m'intéressait, la situation en Belgique. Est-ce qu'il y avait un rôle particulièrement agressif du clergé sur ces questions? Oui, mais là, je peux te dire une chose, c'est que il y a un rôle agressif qui est peut-être un peu plus caché, parce que il y a de sérieux activistes en Belgique. Hein. On a eu, par exemple, un primat de Belgique qui s'appelait Dan Nels, qui est un conspirateur de première force. Qui est un des types clés qui ont fait tomber Benoît XVI, par exemple. Hein, il faut quand même le savoir, ça. Et le bonhomme qui l'a remplacé, de Kessel, c'est aussi, à mon avis, même si je le connais pas fortement, mais vu quelques déclarations qui montrent qu'il est de la même catégorie que ton Pontier, là. Tu vois? Non, il y a aussi, l'Église française ne s'arrête pas à ses frontières. Moi, je crois que c'est toute l'Église, pas seulement la française, pas seulement la belge. Ils sont ailleurs et c'est une bande de... Voilà. Bah, moi, j'y vois assez une organisation internationale qui mène une politique internationaliste, c'est tout. Hein, et qui est une politique, et qui est une politique agressive. Hein, c'est comme ça que je vois les choses, hein, très honnêtement, et c'est ce qu'elle fait, hein. Sabote les nations, hein, c'est clair. On le voit, bah ça méritait d'être cité. Magda, veut-il s'exprimer là-dessus? Non, moi ça m'intéresse assez peu. Je dis juste une seule chose. Moi qui ai quitté la religion catholique, disons pas contre mon gré, mais parce que mes parents ont été déchristianisés comme beaucoup de Français, j'ai pas envie d'y revenir, quoi. Enfin, c'est type. Moi, l'impression qu'il me donne, d'un point de vue purement néophyte, très extérieur, c'est de ne pas vouloir que les gens se convertissent à leur religion. Ils ont totalement quitté le domaine de la vérité, quoi. J'ai jamais vu des gens aussi relativistes. C'est quand même curieux, parce que ces gens sont censés exprimer des idées d'absolu. Et moi, quand je les vois, je sais pas, j'ai de la compassion pour les néo-païens. Ouais. Alexis? Oui, c'est la déliquescence la plus totale. Il ne reste plus qu'à mettre les clous sur le cercueil. Bon, j'ai parlé de ça plusieurs fois. Bon, il faut rappeler aussi que dans l'histoire, il y avait des évêques, des hommes d'église, qui étaient des érudits, des mathématiciens, des gens qui étaient vraiment à la pointe. À la pointe du savoir de l'époque, qui parfois même le faisait avancer et qui participait de l'essor de l'Europe, qui a quand même l'Europe qui garde une place particulière dans le monde. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils accompagnent totalement les forces de destruction. Il y a des gens qui viennent sur le territoire traditionnellement chrétien, qui sont musulmans, qui sont de diverses paroisses, si j'ose dire. Et au lieu de tenter de les convertir ou quoi que ce soit, c'est simplement on recule, on laisse faire l'implantation de mosquées, alors que prétendument on dit que, enfin, ceux qui disent que les musulmans sont des gens bien en général, du type égalité, réconciliation, tout ça, ils nous disent oui, mais ils aiment bien la Vierge Marie, ils aiment bien le Christ, etc. Bah, alors s'ils aiment bien la Vierge Marie et le Christ, il n'y a pas besoin de construire des mosquées, ils peuvent venir directement dans l'église. Hein. Bon, que c'est un petit peu stupide, mais les évêques n'ont jamais tenu ce genre de discours, sauf évidemment peut-être certains évêques traditionnalistes. D'ailleurs, une petite chose pour finir, un ami cédévacantiste me disait, selon nous, la messe nouvelle, hein, la messe moderne, n'est pas valide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence divine lorsque l'on célèbre la messe, puisque les rites ont été changer. Mais par contre, selon nous, la messe est toujours valide. Il y a bien une présence divine lors des rites donc traditionnalistes, chrétiens, catholiques traditionnalistes, et puis aussi chez les orthodoxes. Voilà. Donc peut-être pour l'avenir, des ponts qui se créeront, on verra. Alors, j'observe aussi, je fais observer que dans cet entretien, donc le président de la conférence des évêques de France déclare qu'il n'y a pas de cathophobie. Je ne sais pas ce qu'il entend par là, mais je crois quand même j'ai tout faux sur les 30 dernières années, mais quiconque a jamais lu la presse française, qui est quand même à 95% de gauche, n'a jamais ressenti d'hostilité, j'allais dire, dogmatique et de principe envers la foi chrétienne, à mon avis, lisait son journal à l'envers. Parce que, de Charlie Hebdo, en passant par Libération, Le Monde, à aucun moment la presse de gauche ne s'est privée de déverser des tombereaux d'accusations, d'injures, et je ne parle pas de l'université, de la production, la production littéraire, accusant l'Église, etc. Enfin, c'est quand même récurrent. Alors de dire il y a pas d'hostilité vis-à-vis du christianisme ou de l'Église catholique, ou même des catholiques en général en France, c'est quand même stupéfiant d'entendre ça dans la bouche du président de la conférence des évêques de France. Sans parler des cimetières et des églises profanées, ce qui arrive très régulièrement, beaucoup plus souvent que les cimetières juifs, dont on nous rebat les oreilles. Oui, mais lui il dit non, vous savez, c'est de l'imbécilité. Lui il classait dans l'imbécilité. Il dit que c'est pas lié à la religion. Bon, s'il vendrait des cimetières et qu'il... Ben, sinon il casserait des postes. Hein, ou des transformateurs EDF. Visiblement, ils préfèrent détruire des cimetières, ravager des églises. Donc il y avait quand même quelque chose. Et aussi, c'est fait, et, curieusement, il évacue, hein, il fait passer par pertes et profits le père Hamel. Hein, voilà. Ce prêtre qui a été quand même exécuté par des djihadistes. Déséquilibré, malade. Oui, voilà. En Normandie. C'est quand même un phénomène nouveau. Alors, c'est pas systématisé, hein, on tue pas les prêtres dans toutes les paroisses, mais enfin, ça dit quelque chose. Et non, il n'est même pas mentionné, hein, passé par perte des profits. Ceci étant dit, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, quand il y a eu une commémoration, parce qu'ils ont apposé une plaque, à côté de l'église où le père Hamel a été exécuté. Il a été décapité, enfin, en tout cas... égorgé, mais je crois pratiquement décapité. Moi, j'ai vu une photographie qui traînait sur Internet où la tête était séparée. Hein. Bon, décapité alors, et on a posé donc une plaque officielle, je crois qu'en présence du président de la République, me semble-t-il, je ne sais plus si c'était François Hollande, si c'était Emmanuel Macron, à vérifier, François Hollande, dans lequel il était dit que le père Hamel était mort pour la République et les droits de l'homme. Voilà, donc au moins, c'est très clair, il n'est pas mort pour sa foi catholique. Pontier n'a rien vu, il était pas au courant, je sais pas, il a pas fait gaffe, quoi. Il a pas vu que certains de ses prêtres se faisaient exécuter par des musulmans. Bon. C'est dire à quel point on a reculé, parce que même, vous avez la fameuse controverse entre Plancard d'Assac et puis Bernard Anthony, vous savez, qui avait fondé la Griffe, oui. Etc., Bernard Anthony, donc relevait toutes les atteintes à la chrétienté, justement, les cimetières dévastés, et puis même lorsque Nick Conrad lançait son tube Tuer et pendez les Blancs, la griffe, l'émanation, donc en tout cas au départ de ce qu'avait fait Bernard Anthony, a porté plainte, donc ils se sont occupés de ça. Et ce que reprochait Plancard d'Assac, il dit oui, mais Bernard Anthony, qui était judaïsme, il est finalement dans la main de... Oui, ce qui est vrai. Hein. C'est probablement vrai d'ailleurs, hein, mais. Il n'empêche qu'il y a, encore justement quelques années, même les cathos judéophiles avaient encore un minimum de bon sens au point de quand même dénoncer au moins les actes vraiment de vandalisme et compagnie contre la chrétienté. Là, c'est un des représentants officiels de l'Église qui dit non, il y a rien. On est très gentil avec nous, hein, tout va bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Voilà, donc la gauchiasse de la semaine, accessoirement la plus haute autorité spirituelle chrétienne de France. Voilà. Amen. Ça en dit long. Amen. On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Ah, sind des Geiers schwarzer Haufen. Heia, oho, und wollen mit Tyrannen raufen. Heia, oho, Spieß voran, rauf und ran, setzt aufs Kloster da in roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setz aufs Klosterdach den roten Hahn. Als Adam grub und Eva spann, Kyrie eleis, wo war denn da der Edelmann? Kyrie eleis, Spieß voran, drauf und dran, setz aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setz aufs Klosterdach den roten Hahn. Uns führt der Florian Geier an, trotz Acht und Bann. Den Bundschuh führt er in der Fahn, hat Helm und Harnisch an. Spieß voran, drauf und dran, setz aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setz aufs Klosterdach den roten Hahn. Geschlagen ziehen wir nach Haus, heia, oho, unsere Enkel fechten's besser aus, heia, oho. Spieß voran, drauf und dran, setz aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setz aufs Klosterdach den roten Hahn. Alors nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de notre saison numéro 4, épisode 9. Avant d'aborder le gros thème de cette deuxième partie, qui va tourner autour en fait du réchauffement climatique, ou plus exactement de l'utilisation politique qui en est faite en ce moment même d'ailleurs dans les rues de France, puisque vous avez des jeunes lycéens, dit-on, qui manifestent. Vous allez voir que c'est quelque chose qui mérite de s'y intéresser. Mais avant cela, un sujet m'a paru quand même assez important, et en tout cas méritant de s'y arrêter, parce que je crois que ça va arriver en France. Ça concerne vos enfants, pour ceux qui sont parents, ou éventuellement vos frères ou sœurs. Et c'est grave, c'est très grave, et ça va avoir des conséquences extrêmement destructrices, donc il faut le savoir à l'avance. Alors je vais vous donner un extrait d'article qui est passé sur le site internet Voice of Europe, qui cite lui-même en fait la presse britannique. C'est quelque chose qui peut être retrouvé en anglais sans aucune difficulté. Voici le titre. Royaume-Uni, changement du programme d'éducation sexuelle à l'école. Voilà le contenu. Alors, le gouvernement de droite britannique, donc de Theresa May, hein, devrait annoncer un plan pour l'introduction de cours sur l'homosexualité et le transgenrisme pour les élèves d'écoles primaires. Ceci en dépit d'une pétition opposée à la mesure qui a reçu plus de 100 000 signatures. Le Sunday Times rapporte que le nouveau cursus sera finalisé après une consultation de 6 mois menée par le ministère de l'Éducation, et devrait être mis en place à travers le Royaume-Uni d'ici l'année scolaire 2020-2021. Donc c'est l'année prochaine, en fait. Les élèves de 5 ans recevront cet enseignement, et il sera illégal pour les parents de retirer leurs enfants de la classe. Les questions discutées pendant ces cours sont listées dans l'actuel projet de cursus scolaire, incluant notamment les questions suivantes. Est-ce OK de laisser quelqu'un me toucher ? Ça, c'est des questions qui seront posées, enfin, ce sera les thématiques qui seront abordées avec des enfants de 3 ans. Pourquoi sommes-nous tous différents? Est-ce ok d'être différent? Sexuellement parlant, on s'entend. Ça, ça sera traité avec des enfants âgés de 7 ans. À 11 ans, les enfants discuteront du thème « Quelle est la différence entre des travestis et des transsexuels ?» Et, ne rigolez pas, à 16 ans, ils apprendront, je cite, « Comment révéler sa séropositivité à son partenaire sexuel, sa famille et ses amis. Bah, » Parmi ouais, les là, il y a la convergence. Voilà, attendez. Parmi les manuels scolaires utilisés pour les enfants d'école primaire qui sont actuellement testés dans une école majoritairement musulmane de Birmingham, figure « Tango fait 3 », un livre qui parle de deux pingouins gays qui élèvent un œuf d'une autre famille et Ma princesse garçon qui vante un enfant de couleur qui aime se déguiser en femme. Voilà. Donc il y a déjà des livres spécialisés qui sont en train de tester dans les écoles. Donc vous avez compris. Les pingouins gays, on disait d'abord pédé comme un phoque, maintenant c'est voilà. Vous avez compris, comme un pingouin. Vous avez compris. Il y a une progression dans le cursus qui est prévue. Hein. Donc, à 3 ans, c'est « Est-ce que je peux laisser un adulte me toucher sexuellement hein ?» Alors, c'est pas dit sexuellement, mais c'est « Est-ce que je peux laisser quelqu'un me toucher ?» Voilà, ça, c'est à 3 ans. Donc, sous-entendu « Oui », voilà, tu peux déjà commencer à être un objet sexuel pour les adultes. Comment sommes-nous tous différents? Alors ça, on imagine donc qu'il est déjà devenu homosexuel, le gamin a 7 ans, donc il faut qu'il se familiarise avec son homosexualité qui lui a été enseignée par les pédophiles, hein. Arrivé à 11 ans, bon bah là il est déjà un travelot, hein, on dit voilà comment la différence entre le travelot et le transsexuel, voilà. Et à 16 ans, bah, il a déjà chopé le sida, donc faut bien l'expliquer quand même à la famille, voilà, je suis pédé, travelot et j'ai le sida, papa m'en veut pas trop. Alors ça, je ne blague pas, c'est dans The Sunday Times, c'est le futur cursus de l'éducation sexuelle scolaire britannique. Bah, bravo les Anglais, hein. Eux qui nous ont fait des guerres, qui nous ont volé Jeanne d'Arc, voilà, on dirait un peu ramolli du bulbe. Et c'est la convergence de deux tendances. C'est la tendance, lobby LGBT du même, on a déjà parlé plusieurs fois. Et puis aussi, quelque chose d'important, c'est les pédagogues modernes, qui ont une influence en France, mais aussi dans toute l'Europe, notamment, et qui ont toujours dit que les familles, en gros, n'étaient pas aptes à éduquer leurs enfants, ni à leur transmettre des connaissances, ni des principes moraux, et que c'est à l'école de tout faire. Et notamment, quelqu'un qui en parle très bien, je vous conseille de regarder sa conférence, c'est Jean de Viguery, V-I-G-U-E-R-I-I-E. Regardez ce qu'il a écrit, c'est très très bien, enfin, ce qu'il a fait comme conférence sur YouTube, pour montrer justement que donc, la famille a toujours été écartée par les pédagogues modernes de l'école. Alors, Astérix nous a rejoint. Est-ce qu'il est avec nous? Je suis avec vous. Attends, t'es sûr que c'est pas du complotisme? Parce que moi, si on en croit Madame Vallaud-Belkacem, la théorie du genre, ça n'existe pas, et toutes les théories qui viseraient à faire de l'éducation sexuelle à des mômes de 6 ans, c'est du complotisme, hein, c'est du conspirationnisme, tout ça. Alors, 3 ans. 3 ans. Oui, 3 ans. D'ailleurs, beaucoup d'États européens font pression pour rendre l'école obligatoire à partir de 3 ans. Ah bah ça y est, c'est fait en France. Ça a été proclamé la semaine dernière, je crois. Ouais, mais visiblement, c'est un petit peu en pointe partout, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Bon, c'est dans les faits, c'est souvent le cas, mais oui, effectivement, c'est une obligation. Alors, un point important dans ce qui a été expliqué, on dit bien, hein, les parents ne pourront pas retirer leurs enfants des classes. Hein. C'est... Donc, ça... On renvoie un peu à ce que disait Alexis, à savoir que vos enfants, alors ça c'est l'Angleterre pour le moment, c'est la Grande-Bretagne pour le moment, mais vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à l'État. Hein, on tolère que vous ayez la charge de vos enfants, mais le propriétaire des enfants, c'est l'État. Définition assez exemplaire du socialisme, hein, quand même. Et donc, là pour le coup, c'est vraiment... Alors, la pédophilie, c'est très clair, hein, je veux dire, quand ils disent « Pourquoi voulez-vous, en cours d'éducation sexuelle, dire à des gamins de 3 ans, poser la question à des gamins de 3 ans, est-ce que c'est ok de me laisser toucher ?» Le contact physique, pourquoi voulez-vous poser... Bon, c'est sexuel, moi je savais même pas que des gamins de 3 ans, ils étaient censés avoir une vie sexuelle. Bon, faut être sérieux, une vie sexuelle, c'est pas à 3 ans. Bon, donc qui a intérêt à parler de choses sexuelles dans les écoles sans que les parents puissent en parler, si ce n'est des réseaux pédophiles. Donc on a compris ce qui est en train de se passer. Donc ils sont en train de comment dire, donc ils retirent aux parents toute autorité, ça c'est acté, Et ensuite, les gamins passent au broyeur. Là, ça va y aller. Donc, on va leur expliquer. Mais t'en fais pas. C'est normal. C'est normal si, une fois de temps en temps, je t'encule. Hein ? Ça fait pas mal. Tu vois ? C'est une sensation, mais ça fait pas mal. Donc, c'est. Voilà. C'est. Et ça suit une progression, comme j'ai dit. Hein. Donc, voilà. Mais enfin, le côté propriété d'État, ça fait peur quand même. Astérix ? Attends, je sais que t'adores la Grande-Bretagne en plus, Astérix. Bah écoute, en plus, c'est assez vrai. Hein. J'aime bien les Anglais à la base, mais bon, là, ils me déçoivent de plus en plus, hein, de toute façon. Mais faudrait voir si c'est pas que ça leur fait pas mal à 3 ans, mais c'est qu'il y a un verset talmudique qui explique très bien en fait que les larmes de l'enfant répareront l'hymen. Non, c'est je sais plus si vous vous rappelez. oui, non, mais c'est vrai que les sémites ont un rapport différent quant à la maturité sexuelle, hein. C'est beaucoup plus tôt. Hein. Aïcha, c'est 9 ans. Hein. Ouais, marié à 7, consommé à 9, quoi. Pour ce qui concerne le judaïsme, je ne connais pas tout à fait les règles, je ne sais pas. Mais comment dire ? Il y a clairement la pédophilie qui est validée, enfin qui est permise par le pile-poul talmudique, quoi. Il n'y a pas de problème, d'accord. Plein de gens ont étudié ça. D'ailleurs, les rabbins s'en donnent à cœur joie, quoi. Il suffit de voir les dossiers aux États-Unis, à New York, qui étaient sortis, je ne sais pas si vous en rappelez. Mais... Ouais, il y a quelques mois, là. Il y a quelques années. En fait, il en sort tous les ans, quoi. Il y a quelques mois, il est sorti un gros dossier, là, sur un réseau rabbinique qui se tapait plus ou moins tout ce qu'il y avait moins de 6 ans, quoi. C'est ça. Mais alors là, pour en venir à l'Angleterre, là, homosexualité d'État, ça y est, c'est parti, dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que ça t'en... Totalement effrayant. Ouais, bah de toute façon, il faudra voir la réaction des Pakistanais et voir qu'est-ce qu'ils pensent. Bon, bah, enculer des gamins de 3 ans, ça leur va, mais que le fils aîné porte une perruque et s'appelle Delphine, ça, je sais pas s'ils vont laisser passer. Donc, on attend de voir la réaction des Pakistanais londoniens, quoi. Un peu comme nous et la réaction de nos bougnoules avec Ilan Ali. Non, pas Ilan Ali, qu'est-ce que je raconte à Hassani, là, Bilal Hassani. Pas Ilan Ali. Exact. J'ai peut-être envie d'interroger Popovic là-dessus aussi, là. Si. Ouais, L'homosexualité d'État, ça. dès la garderie. Voilà, enfin, bon, on l'a vu venir, hein, évidemment, quand il poussait, là, sur les politiques pro-homosexuelles. L'extrême droite le disait, que c'était. L'étape suivante, c'était la pédophilie. Évidemment, on avait tous nos braves journalistes et nos intellectuels de télévision pour nous expliquer qu'on était des méchants, que de toute façon il n'y avait pas de rapport, hein, entre l'homosexualité et la pédophilie, oui. Il n'y a jamais aucun rapport. Et puis, voilà, maintenant ça commence. Voilà. Moi, les bras m'en tombent, hein, franchement, je ne sais pas quoi dire de plus. Alors, c'est extrêmement dangereux parce que. Alors, juste sur la tactique qu'ils utilisent, toujours la victimisation. Ils disent « Non, mais en fait, vous acceptez pas que les gens soient différents, et c'est juste une question d'égalité. » Voilà, ils commencent comme ça. Donc ils vous disent « Il faut... » Donc, position victimaire, « faut que ça cesse, il faut normaliser cette question-là, il faut arrêter les persécutions. » Les gens qui sont couillons, surtout les femmes, elles tombent là-dedans. On utilise l'empathie, ils tombent là-dedans. Sauf qu'ils n'ont pas compris un truc, c'est que ces gens-là ne veulent pas coexister pacifiquement à côté des hétérosexuels. Ils veulent que toute la société adopte leur mode de vie et leur déviance. C'est radicalement différent. Donc, ils ne s'arrêtent jamais. Et là, vous en avez la manifestation. C'est-à-dire que, non, c'est pas une histoire de tolérer les transsexuels à l'école. C'est une histoire d'enseigner la transsexualité. C'est comment la transmettre, comment généraliser ce type de truc. C'est comme un cancer. À aucun moment, ces gens veulent se limiter à leur propre vice. Hein. C'est pas vrai. Hein. Et ça, c'est typique. Là, c'est carrément l'État qui va répondre le truc, quoi. Bon, oui, c'est la définition d'un cancer, effectivement. Vas-y, Asté. Non, mais j'ajouterais que le problème, c'est que dans l'époque actuelle qui est nihiliste, les gens, en fait, n'ont pas les armes rhétoriques pour aller contre cette dégradation, cette dégénération accélérée, quoi. Parce que pour poser que la pédophilie est mal, il faut avoir une base morale, il faut poser des notions de bien, de mal. Tu vois, et dans le nihilisme total moderne, les gens, même ceux qui savent qu'enculer un gamin, c'est pas bien, ils n'auront pas les armes pour, dans les débats télévisés ou que sais-je, ou les débats à l'école, partout, ils n'auront pas les armes pour dégommer, défoncer ces abrutis, puisque ces abrutis jouent sur leur terrain. Là, il y a de plus en plus de provocations, ça va loin dans tous les domaines, quoi. Immigration, LGBTisme, tout est accéléré, tout vise à voir quel est notre degré de passivité, quoi. Et le degré de passivité est tel qu'à mon avis, il va y avoir, mais d'ici 3 ans, il va y avoir des choses encore incroyables à l'heure actuelle, quoi. Ouais, je pense. Voilà, si les parents d'élèves en Grande-Bretagne, mais ça va venir en France, hein, c'est pour ça que j'ai voulu en parler aussi. Mais si les parents ils réagissent pas, moi, j'ai vu des manifestations, mais des musulmans. J'ai vu des musulmans de Valais, alors des musulmans, vous savez, des musulmans pakistanais, ouais, des animaux pratiquement, vous voyez, mais je me sentais. Bah, je les sentais plus humains, si vous voulez, que les monstres qui essayent de mettre ça en place, d'accord ? Moi, il n'y a rien à faire, je veux dire, ça, c'est une question d'ordre naturel, quoi. C'est-à-dire que pakistanais ou pas pakistanais, si je vois une mère basanée de je ne sais où, mais qui dit « moi, j'ai pas envie que mon gamin il se fasse enculer par un vieux dégénéré pédophile », et je suis d'accord avec elle, quoi, il n'y a rien à faire. Et il y a un problème, quoi. Moi, je me dis « putain, quand j'en arrive à être d'accord avec des musulmanes voilés, il y a un souci, il y a un souci ». Et le souci, pour le coup, il vient... Bah, pourtant, ils pratiquent largement... ce genre de truc dans leur communauté, hein. Il y a beaucoup de choses, hein. Surtout chez les Pakistanais, hein. Homosexualité très répandue, très cachée, mais très répandue chez les Pakistanais, chez les Afghans, oui, aussi. Mais chez eux, ah oui, énorme pédophilie chez les Pakistanais. Bah, vous rappelez du cas en Angleterre là, avec des gamines violées par milliers et qui ont été avec le cas qui a été occulté par la police britannique, enfin effrayant. Y a un truc qui est sous-estimé, je crois, en Grande-Bretagne. C'est pas possible qu'ils en viennent systématiquement à cette histoire de pédophilie. Avec tous les réseaux de Pakistanais, les couvertures de la police, des stars de la télé qui sont mêlées. Je veux dire, on dit souvent que la Belgique, c'est un endroit où il y a beaucoup de pédophiles, voilà, parce qu'il y a eu des grands scandales, mais d'abord, j'exonère pas la France, hein. Mais je veux dire, mais en Grande-Bretagne, on dirait qu'il y a un système mais endémique. Mais pourquoi vouloir revenir sans arrêt à la charge avec ces histoires, notamment à ce niveau-là, au niveau scolaire, quoi. Enfin, Je rebondis rapidement, parce que là, j'ai pas de réponse à te donner. Ces mecs veulent nous exterminer, quoi. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, à savoir qu'on est obligé, quand on voit une vieille pédale pédophile, un vieux pédophile dégueulasse s'attaquer à n'importe quel gamin, en fait, le blanc, avec sa morale universelle, même quand il est identitaire comme nous, parce que j'ai vu sur internet, il y a 2-3, ça doit être soit des timbrés, soit des juifs, enfin je sais pas ce que ça peut être, mais des mecs, après tout ce qu'on a mis dans la gueule des bougnoules du Moyen-Orient, après tout ce qu'on a fait contre des dimissions anti-islam et tout, les mecs viennent nous traiter de babouchollade juste parce que dans 2-3 cas comme là tu viens de le faire, en fait on cite juste une vérité qui éclate aux yeux de n'importe qui à qui il reste encore un peu d'humanité, quoi. Et en fait, un être humain, c'est un être humain, un détraqué, c'est un détraqué. Et après, entre êtres humains, là, il peut y avoir les catégories identitaires. Mais il faut d'abord être un être humain. Là, quand moi, j'ai affaire à un détraqué blanc, il est sorti du cercle d'humanité et il ne fait plus partie de... C'est pas parce qu'il est blanc qu'il rentre dans mon concept d'identité, quoi. Et ce mec est mon ennemi à... Et mon ennemi à vie, quoi. Et mon ennemi juré, quoi. C'est un prédateur à l'intérieur du groupe, quoi. Alors après, il peut aller ailleurs, mais enfin, les pédophiles, c'est des mecs à... je vais pas expliquer ce que je pense qu'il faut en faire, parce que ça serait pas... Hein, ça serait pas tout à fait dans la charte de l'émission, mais ouais. Des non, droits d'homme. Mais bon, ouais, voilà. Alors, la pédophilie des Pakistanais est une pédophilie ethnique. Ils ne visent pas leurs propres enfants ou les enfants de leur communauté. Alors, quand ils ont l'opportunité d'avoir d'autres gamins, ils le font, mais au Pakistan, c'est massif. Hein. C'est massif. Hein. Et c'est pakistanais. Hein. C'est pakistanais. Et un peu afghan aussi, dans certaines ethnies, les pachtounes énormément. Et pédophiles beaucoup. Pédophilie beaucoup. Hein. Donc, il y a ça chez eux. Donc, je pense qu'ils ont un rapport un peu ambivalent. Je pense que ce qui leur ferait très très peur, c'est que des vieux détraqués blancs dégueulasses enculent leurs gosses à eux. Hein, parce que eux, ils les enculent entre eux, mais voilà. Mais, ou voilà. Ils enculent des fillettes blanches aussi. Ils font beaucoup ça, hein, énormément. Hein, ça, c'est leur truc aussi. Oui, et puis pédaliser leurs petits garçons, je pense que ça doit pas non plus trop leur plaire. Hein. Même pas si, ostensiblement. Pas ostensiblement. Sont... Oui. Pas ostensiblement, voilà. Ouais. Non, non. Alors, voilà pour ça. Bon, oui, ça devrait arriver en France d'ici, je sais pas, 6 mois. Je pense qu'au rythme où ça va. Moi, c'est étonnant que ça soit pas arrivé. Je vais te dire que de mon point de vue, c'est étonnant que ça soit pas arrivé en France avant d'arriver en Angleterre. Hein, parce qu'à mon avis, la France arrive en seconde place après la Suède pour tout ce qui est laboratoire LGBT, laboratoire multiculturalisme. Pour moi, la France, c'est le numéro 2. J'ai pas fait le monde entier, hein, loin de là. J'ai fait un peu le pays d'Europe, par contre. Et... En Europe, l'Angleterre me semblait moins dégénérée. En tout cas, je la connaissais bien il y a 10 ans. J'y suis plus retourné depuis, mais il y a 10 ans, ça me semblait quand même moins détraqué qu'en France. Quoi. Tu pouvais encore dire des vérités assez évidentes sans que t'aies une connasse de féministe qui tombe sur le grappin. Ou qui, enfin. Bah, écoute, on avait parlé. Je crois qu'on en a parlé dans. En tout cas, ça a été cité sur le site. Mais je crois qu'on en a parlé dans l'émission. Il y a eu un cas récent en Grande-Bretagne. Il y a une nana sur Facebook. Elle a refusé d'appeler un travelo par son nom d'emprunt actuel, tu vois, qui était... Donc, c'est un mec qui se fait passer pour une femme, qui est déguisé en femme, et qui a changé son état civil, et qui se fait appeler Madame Truc. Et elle, cette nana-là, cette Britannique-là, continue de l'appeler par son nom d'origine, ok ? La police est venue la chercher chez elle, l'interpeller, l'envoyer au poste. Ah ouais, d'accord. Donc, je dois me tromper, l'Angleterre a dû rattraper son retard depuis, quoi. C'est authentique, hein. C'était il y a un mois. Dans la presse c'est effrayant, c'est effrayant. Je sais pas ce qui arrive à ce pays. Bah, il faut que les gens sachent que ça va arriver en France. C'est-à-dire qu'en France, d'ici quelques temps, ça va pas tarder. C'est-à-dire que quelqu'un, un travelo, parce que le lobby LGBT bosse à très haut niveau. Vous avez vu Macron, vous avez vu Majoubi, la fiotte Majoubi, vous avez vu Schiappa, vous voyez tous ces gens s'agiter. Et les juifs contrôlent l'État français, le gouvernement français, mais les PD sont côte à côte avec ces gens-là. Bon. Et ils vont monter en épingle n'importe quelle petite affaire pour renforcer leur pression sur l'appareil gouvernemental et judiciaire. Donc quand je dis cette histoire britannique qui a couché dehors, on est bien d'accord, les gens vont avoir un réflexe, putain, les Britanniques sont vraiment frappés, quoi. Non, non, non, ça va arriver en France. Pourquoi ? Juste rapidement sur les artifices juridiques qui existent. C'est-à-dire que demain, un travelo en France change son nom. On va dire qu'il s'appelle Henri Dupont et il se fait appeler Sandra Benalla. Allez, clin d'œil. Et vous, sur Facebook, dites bon, Henri Dupont, tu commences à me faire chier. Voilà, bah, pas d'appel à la violence ou quoi que ce soit, mais vous dites simplement Henri Dupont, tu commences à me faire chier. Et là, l'autre vous dit vous m'appelez pas par mon nom d'état civil, maintenant c'est Sandra Benalla. Et vous revenez à la charge, vous dites non, Henri Dupont, je suis pas d'accord. Quelques semaines après, vous voyez les flics arriver en gilet pare-balles à 6h du matin pour vous interpeller, vous envoyer au poste. Alors, comme ça, vous appelez Sandra Benalla Henri Dupont. Vous voyez ? Et procédure derrière vous. Eh ouais, procédure derrière vous, discrimination. Sur la base du sexe. Parce que ça, c'est rentré dans la législation maintenant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme ils appellent ça, discriminer les travelots. Vous ne pouvez pas les discriminer. Et si vous n'actez pas de son changement de sexe, c'est-à-dire si vous ne reconnaissez pas la validité de la théorie du genre, hein, qui, comme a dit MacDav, ça n'existait pas selon Belkacem, eh ben vous serez hors la loi. Vous comprenez ? Ça, c'est légal. C'est totalement légal. C'est simplement que vous n'avez pas... On n'a pas eu le cas. On n'a pas eu le cas, on n'a pas eu quelqu'un qui l'a fait, on n'a pas eu une plainte là-dessus. Ça va arriver, il y aura bien un travelot complètement taré qui va le faire, parce qu'en fait, les travelots sont des fous, hein, faut le savoir, hein. Ils savent pas où ils sont, ils savent pas qui ils sont, les trois quarts se suicident avant 40 ans, enfin bon, c'est des gens comme ça. Hein. Et ils vont, si vous voulez, projeter dans le système judiciaire leur folie, mais avec l'appui du lobby LGBT qui se sera assuré de la modification d'abord des lois, parce que ça a été changé, mais ensuite même des circulaires qui vont être donnés inévitablement dans la magistrature par la chancellerie, donc Belloubet. Par exemple, la Finlande est un pays où il n'y a aucune corruption, c'est le pays où il y a 1000 juifs. Et son pays voisin, la Suède, est le pays de Scandinavie où il y a le plus de juifs, Et comme par hasard, c'est le pays de Scandinavie où le LGBTisme, le multiculturalisme est le plus dégénéré. En fait, par exemple, quand on parle du féminisme, il faut savoir que les Finlandaises, ce ne sont pas du tout dans un féminisme haineux, hein, mais vraiment... Ah bah évidemment, il va y avoir 2-3 lesbiennes extrémistes, vous allez en trouver dans tous les pays, mais je veux dire, vous parlerez à toutes les femmes. En fait, les femmes finlandaises sont dans un espèce de féminisme un peu niais, où elles suivent la télé, elles se disent, voilà, elles veulent travailler, elles veulent bosser, elles veulent... Mais par exemple, il est hors de question de faire pipi assis aux gamins, ou des saloperies, comme ça. Pareil, quoi. Donc la Finlande, dès que la communauté juive... disparaît tout de suite, les mesures sont beaucoup moins exagérées, beaucoup moins absurdes, quoi, parce que on voit qu'en Angleterre, en France et dans les pays à forte communauté juive, ils poussent et ils arrivent à faire amener des lois qui sont qui nous font rentrer dans l'irréel, quoi. Tout à fait. Quelqu'un d'autre, on passe enfin au grand thème de cette... Non. Pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, il y a quelque chose qui m'a frappé. Astérix a rappelé qu'il y a un passage dans le Talmud qui dit, je crois, qu'il n'y a pas péché de copuler avec une petite fille jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est correct, Astérix, c'est bien ça, hein ? C'est ça. Ouais. Je me demande si ce n'est pas ça... Et la pédophilie galopante dans les milieux chrétiens, certains milieux chrétiens, et même, paraît-il, le Vatican, c'est sûr, qui justifierait l'appellation moderne de, la définition moderne de judéo-christianisme. Oui, tu veux dire, le judéo-christianisme, en fait, existe, il est de date récente, c'est depuis le moment où les rabbins et la papauté... Se sont prêtés les petits garçons. Voilà, c'est ça, voilà. Il y a une espèce de communion d'un nouveau genre, voilà. Bah écoute, c'est une théorie. Une glissade, un dérapage. Ça, voilà. Alors, deuxième sujet de la semaine, deuxième thématique. Beaucoup plus lourde de sens dans une certaine mesure, même si ce qu'on a abordé là est très grave. Alors, en tout cas, c'est plus immédiat comme menace, puisqu'on est déjà dedans. Je fais mention, bien évidemment, de cette grande campagne qui traverse l'Europe et qui traverse aussi l'Amérique du Nord et d'une manière générale le monde occidental sur la question du réchauffement climatique. Alors, bon, en soi, vous allez me dire, bon, il n'y a rien de nouveau, on nous bassine avec ça depuis des années et des années et des années. Mais vous n'avez pas manqué de remarquer que, à la faveur de la crise des Gilets jaunes en France, très tôt, d'abord le point de départ de la crise des Gilets jaunes, c'est la question de ce qui a été décrit par le gouvernement Macron comme la transition écologique, qui légitimait d'après ce même gouvernement une taxation spécifique et progressive sur les carburants. On appelait ça la taxe carbone, c'est-à-dire qu'on accroît la taxation sur les émissions de carbone, l'idée étant de forcer la population à adopter de nouveaux moyens de transport moins polluants. En tout cas, c'était ce qui était affirmé. La crise a lieu, vous le savez, et à mesure qu'il y avait des manifestations de contestations de plus en plus fortes sur la question fiscale, on va pas revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, mais on a vu une première tentative de manifestation pour le climat. On dit on manifeste pour le climat. Alors déjà, c'est assez ésotérique, puisque, comment dire, ces gens prétendent qu'en marchant dans la rue, la température va baisser, hein, pratiquement, je caricature à peine. C'est presque de l'animisme, hein, c'est presque de l'animisme, on y est presque, hein, on invoque le dieu, je sais pas, l'oignon universel, je ne sais pas, et voilà, il faut marcher dans les rues pour le climat. Une espèce de contre-feu écologique, dixit écologique, hein, mais qui était censé légitimer en fait la taxe en premier lieu. Bon, ça n'a pas trop pris, le mouvement a continué, et ils reviennent à la charge depuis 2 semaines, et c'est là que vous avez entendu parler, pour la première fois, d'une adolescente venant de Suède, mon cher Astérix, qui s'appelle Greta Thunberg, et dont on fait une icône de la lutte contre le réchauffement climatique, et elle était à Paris, très récemment, pour participer à une de ces manifestations en question. Et on va partir là-dessus, et vous allez voir qu'il se passe quelque chose d'absolument tentaculaire, mais que ce que vous en percevez n'est qu'une toute petite écume médiatique qui passe par la lucarne télévisée ou par la presse écrite. Et donc, bon, vous voyez l'information, vous prêtez pas trop attention parce que pour vous, voilà, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe et ça vaut le coup d'en parler. Alors, premier article, parce que je vais baser ce que je dis et notre discussion sur la presse mainstream, pour pas qu'on nous accuse d'avoir des sources tronquées. Ça, c'est la Nouvelle République, qui fait état donc de cette participation de cette jeune femme. Jeune fille, devrais-je dire. Alors, je vous le lis. Lanceuse d'alerte, militante citoyenne pour le climat, qui est Greta Thunberg à l'initiative de la mobilisation des lycéens et étudiants qui est venue à Paris ce 22 février. Vendredi, ils étaient environ un millier de jeunes rassemblés à Paris pour faire la grève de l'école. Vendredi pour l'avenir s'appelle ce type de mobilisation. Une initiative lancée par la jeune Suédoise de 16 ans, elle est née le 3 janvier 2003, et égérie du climat, dixit Greta Thunberg. Sourire timide, regard déterminé, visage juvénile encadré de tresses. Qui est Greta ? La prise de conscience, Greta Thunberg l'a eue en août dernier, quand la sécheresse et les feux de forêt frappaient son pays, et que les grandes personnes ne semblaient pas s'émouvoir plus que ça des ravages que cause et va causer le réchauffement climatique. Donc là, il y a une belle histoire. Hein. Diagnostiquée autiste Asperger. Greta est une lanceuse d'alerte, mais aussi une militante qui veut faire bouger les lignes. Elle dit avoir été inspirée par les lycéens américains qui, pour protester contre les fusillades et la prolifération des armes, ont fait des grèves scolaires pour sensibiliser l'opinion publique. Diagnostiquée autiste Asperger, un trouble du développement neurologique appartenant au spectre autistique, donc en fait c'est une autiste, elle a changé de vie en quelques mois en devenant végan. Ah, tiens, ça fait le lien avec le début de l'émission. En refusant de prendre l'avion, elle se déplace en train et en achetant plus de choses neuves. Nous sommes en face d'une menace existentielle. Ceci est la crise la plus grave que l'humanité ait jamais subie. Ça, c'est ce qu'elle déclare. Hein. Donc, je continue. Je zappe un petit peu. Et je... Oui, enfin, je vais même citer ça. Face aux attaques dont elle est l'objet, en raison du trouble dont elle est atteinte, Greta a récemment répondu dans un journal suédois à ses détracteurs. « Certaines personnes se moquent de moi à cause de ma différence. Mais Asperger n'est pas une maladie, c'est un don. Les gens disent aussi que, parce que j'ai Asperger, je n'aurais pas pu décider seul de me mettre dans cette position. Mais c'est exactement pour cette raison que je l'ai fait. Parce que si j'avais été normal et sociable, j'aurais intégré une association, ou j'en aurais fondé une moi-même. Mais comme je ne suis pas très sociable, j'ai fait la grève de l'école à la place. J'étais tellement frustré que rien ne soit fait pour lutter contre la crise climatique, et j'avais l'impression que je devais faire quelque chose, n'importe quoi. Depuis l'été dernier, elle manifeste régulièrement à Stockholm et fait une grève de l'école pour le climat tous les vendredis. C'est cette initiative qui a fait tache d'huile en Europe et dans le monde, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Pays-Bas, Allemagne, Finlande, Danemark, etc. Là, ça devient drôle. À Davos, elle interpelle les puissants. Greta Thunberg a également fait un discours à la COP24, conférence sur le climat de l'ONU, hein, à Katowice en décembre dernier en Pologne. Ce que nous espérons atteindre par cette conférence est de comprendre que nous sommes en face d'une menace existentielle. Ceci est la crise la plus grave que l'humanité ait jamais subie. Nous devons en prendre conscience tout d'abord et faire aussi vite que possible quelque chose pour arrêter les émissions, donc de carbone, et essayer de sauver ce que nous pouvons. En janvier, elle s'est rendue à Davos au Forum économique mondial, où elle a pris la parole. Il est inimaginable que tant de personnalités qui s'entretiennent du climat soit venu en jet privé, il est temps que les jeunes se mettent en colère et transforment cette colère en combat face au réchauffement climatique et protestent contre l'inaction des politiques. Bon, ça, ce que je vous ai lu là, c'est un article de la presse officielle, c'est ce que dit la presse officielle de cette autiste de 16 ans qui lutte contre, dit-elle, le réchauffement climatique, et appelle à des mesures. Voilà, alors c'est un conte de fées, hein, elle sort un petit peu de nulle part. Elle va, comment dirais-je, à Davos, où se trouvent tous les grands décideurs du système financier, mondial. Ouais, elle frappe, elle rentre, voilà, et elle dit « vous en faites pas assez, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Bon, ça c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que dit la presse. Hein. Bon. Alors Fulbert, déjà de cette version-là officielle de la présentation qui en est faite dans les médias français et internationaux, hein, je précise, hein, bon, déjà, là, il y a du marketing. Tu peux peut-être nous dire quelque chose au sujet de cette fille, hein. Oui, ben en fait, il y a, je crois, beaucoup de choses à dire. D'abord, il faudrait peut-être la situer, disons, déterminer son milieu. Qui est-elle, d'où elle sort, quel est son milieu familial, son environnement, ouais, etc. Déjà, elle est la fille d'une chanteuse connue, une chanteuse classique, qui est une mezza-soprano, si je ne m'abuse, enfin, une soprano, qui s'appelle Talema Ernman, et qui est très connue en Suède, et qui a représenté d'ailleurs la Suède en 2009 au concours Eurovision. Ensuite, cette Talema Ernman est l'épouse d'un acteur nommé Svante, je ne sais pas si je prononce bien, Thunberg, qui n'est plus acteur maintenant, mais qui dirige deux entreprises du spectacle, qui est scénariste, metteur en scène, enfin voilà. C'est vraiment quelqu'un, un professionnel du spectacle. Il faut savoir aussi que si on remonte un peu plus loin, le père de Svante Thunberg, donc le grand-père paternel, était déjà lui-même un acteur. C'est vraiment une famille, une dynastie du côté des hommes du moins, et même de la mère, de gens, on dirait, du spectacle, qui sont des professionnels de ça. C'est ça, je veux dire que si c'était des Français, on dirait que ce sont des bobos parisiens ou des mondains parisiens et quelque chose comme ça. C'est pas n'importe qui, c'est pas ils sont pas sortis du peuple. Voilà, c'est ce que D'accord, ils sont pas sortis du peuple. C'est des gens qui viennent de milieux aisés et surtout, ce sont des professionnels. Ce sont des acteurs professionnels. Voilà, des professionnels. Ils savent la mise en scène, ils la connaissent, ils savent comment ça fonctionne, ils connaissent les médias, etc. Hein. Ouais, exactement. Donc, il y a eu ce mouvement qu'elle a lancé, je vais pas m'arrêter dessus, mais enfin, elle a fait une grève devant le Parlement, si je ne m'abuse. On va y revenir de toute façon après. Donc, D'accord, oui. Son action s'est étendue, tu l'as dit, s'est rendue dans plusieurs pays. Moi, j'ai vu en tant que Belge des représentants belges équivalents. Par exemple, deux jeunes filles de 17 ans, Kira Gantois et Anouna Dewever. Et ces deux filles ont pris en main un petit peu le rôle de Greta Thunberg en Belgique et ont commencé à organiser une série de manifestations des lycéens tous les jeudis. Donc c'était la manifestation du jeudi des lycéens. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on met de plus en plus en avant les autistes. La différence autistique. Et à chaque fois, on nous les présente comme des Asperger, qui sont en fait des gens légèrement autistes, mais quand même des gens qui sont très compétents dans le domaine dans lequel ils se spécialisent. Et c'est majoritairement des hommes. À chaque fois qu'on te met en avant un autiste Asperger, c'est une femme et une jeune fille. C'est très surprenant. Bah, c'est voulu. Vous pensez bien que là, une campagne mondiale qui est lancée comme ça, et on va découvrir les ressorts, en fait, va être attaquée. C'est-à-dire qu'on va poser la question, mais qui est derrière, etc. Or, et c'est ce qu'elle fait. Elle dit, ah, on m'attaque sur mon handicap. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette vieille formulation qui dit, si vous voulez, si vous voulez pas, en fait... aborder le message, il vous suffit d'attaquer le messager, en fait. Mais eux, ils ont inventé une tactique un petit peu différente. Si vous ne voulez pas que votre adversaire parle du message, faites en sorte de vous dire attaquer en tant que messager. Et c'est ce qu'elle fait. Elle dit, ouais, on m'attaque parce que je suis handicapé. Et ils l'ont su dès le départ. En tout cas, de prétendre ça. En même temps, vu sa tête, elle a quand même une tête d'autiste, hein, donc il faut bien le souligner. Mais il y a cette mise en avant du handicap. Pourquoi ? Bah, ça fait le lien avec cette idéologie qui est maintenant promue à très haut niveau, qui fait l'apologie des victimes, de tout ce qui n'est pas de toute façon l'homme blanc hétérosexuel en pleine possession de ses moyens. Voilà. Donc c'est simple, hein, c'est les femmes, c'est les minorités raciales, les minorités religieuses, c'est les handicapés de toutes les couleurs, etc. Enfin, tout ce qui va dévaloriser en fait la normalité qui est la normalité blanche. Donc on sait à peu près où ça va. Alors, c'est tellement vrai, si je peux me permettre d'intervenir, c'est tellement vrai que j'ai parlé des deux filles belges, les deux flamandes, hein, il y a une wallonne aussi dont j'ai oublié le nom, mais peu importe. Une des deux, la plus connue, Anouna de Wever, n'est pas autiste, mais par contre, elle a accepté une interview devant la télévision flamande. Et dans cette interview, elle déclare à peu près ceci, je cite ça de mémoire, hein. Voilà, moi, je ne me ressens pas d'ailleurs véritablement comme une fille, ni même comme un garçon. D'ailleurs, il y a 2 ans, donc elle avait 15 ans, j'ai décidé de, grosso modo, hein, je ne sais plus les termes, de tout balancer, j'ai dit, et là c'était un langage tout à fait moderne, moderniste, j'ai dit « fuck you, ça ne me plaît pas que l'on me définisse comme une fille ou comme un garçon ». Donc vous voyez un petit peu le mental, je crois qu'elle aussi a été, je dirais, sélectionnée. Oui, bah oui, c'est fatal, c'est-à-dire qu'elle reprend les théories LGBT, la théorie du genre en fait, voilà. Donc, Exactement, et voilà. On parle beaucoup de Anouna de Wever en Belgique, dans la presse je parle, hein. Par contre, Kira Gantua, qui était sa consoeur, elle est passée au second plan, carrément, mais elle peut-être qu'elle avait un langage normal. Voilà, alors il y a eu un article qui est paru sur le site Reporter, R-E-P-O-R-T-E-R-R-E, donc c'est un jeu de mots entre le reporter et la Terre, la planète Terre, c'est un site écologiste, à connotation d'ailleurs marxiste, hein, c'est l'écolo-marxiste, si vous voulez. Mais ça les satisfait pas, parce qu'ils ont très vite flairé derrière ça des groupes d'intérêt. Alors, je vais vous lire donc ce texte, parce que tout s'éclaire. Comment dirais-je, sur ce qui se passe. Et pourquoi c'est promis aussi agressivement, et c'est pourquoi même le français lambda, en fait, qui s'intéresse pas au sujet, il ouvre sa presse régionale, il voit même ce nom qui figure sous son nez, il sait pas pourquoi, on lui a mis ça là, et il aimerait bien comprendre. Et ben voilà, vous allez le découvrir, je vous le lis. Depuis environ 5 mois, une jeune Suédoise de 16 ans, autiste Asperger, se retrouve sous les projecteurs médiatiques du monde entier. Elle fait la grève de l'école pour se faire entendre, et son combat est juste. Ça, c'est ce que dit Reporter, hein. Parce que eux croient au réchauffement climatique. Je précise, c'est un site écolo-gauchiste, donc ils croient à cette théorie. Il s'agit pour elle de passer un message aux milliardaires, aux décideurs politiques, que ce soit à la COP24 en Pologne, ou dernièrement à Davos, afin qu'ils respectent leurs engagements sur le climat. Son dernier discours a ému quasiment tous les militants écologistes de la planète, etc. Derrière ces moments forts, donc ces interventions, on trouve un petit génie suédois des public relations, Ingmar Rensog. L'envers du conte de fées est moins joli, mais plus intéressant. Le journaliste d'investigation suédois Andreas Eriksson est, d'après mes recherches, le premier à avoir enquêté sur ce sujet, et son article a été publié sur le blog Rebecca Weidmo, Uvel, le 11 décembre 2018. La belle histoire de Greta Thunberg commence le 20 août 2018. Ingmar Rensog, cofondateur de la start-up We Don't Have Time, nous n'avons pas le temps, croise Greta Thunberg devant le Parlement suédois et publie un post émouvant sur sa page Facebook. Nous sommes le premier jour de la grève commencée par Greta. Le 24 août sort en librairie une autobiographie mêlant crise familiale et crise climatique, co-rédigée par Malena Ernman, la mère de Greta, Svante Thurberg, son père, Beata, sa sœur, et Greta elle-même. Les parents artistes, chanteuses lyriques et acteurs sont très connus en Suède, Greta pas encore. Donc hein, elle est remarquée le 1er août, le 24, l'autobiographie sort. Il est écrit par ses parents dont on a parlé. En fait, Ingmar Rensog et la famille de Greta se connaissent déjà et ont participé ensemble à une conférence sur le climat le 4 mai 2018. Peu de place donc au hasard, dans la rencontre à Stockholm sur le trottoir devant le Parlement entre Ingmar, donc le pro de la com, et Greta. Tout a été finement programmé pour transformer la jeune Suédoise en héroïne internationale, et ce, dès le premier article paru dans le quotidien le plus lu du pays, Aftonbladet, quelques heures seulement après le post Facebook de Rensog. We Don't Have Time, donc la start-up qu'il a cofondée en 2016, a l'ambition de créer un réseau social de plus de 100 millions de membres qui influencera les hommes et femmes politiques et les chefs d'entreprise pour qu'ils agissent davantage contre le réchauffement climatique. C'est ce qui apparaît en tout cas sur leur plaquette web. C'est là que ça se complique. Parmi les actionnaires de la start-up, on trouve des membres de deux familles interconnectées. Les Persson, enfants du milliardaire Sven Olof Persson, qui a fait fortune, entre autres, dans la vente de voitures, je vous cite pas la marque, et les Rensog. Les deux familles d'investisseurs qui se sont rencontrées dans la région du Jämtland n'ont aucun lien avec l'écologie, ce sont des spécialistes de la finance. En mai 2018, Ingmar Rensog, donc un membre de cette famille, est recruté comme président-directeur du think tank Global Utmaning, faisant la promotion du développement durable et se déclarant politiquement indépendant. Sa fondatrice n'est autre que Kristina Persson, fille du milliardaire et ex-ministre social-démocrate, donc socialiste, chargée du développement stratégique et de la coopération nordique entre 2014 et 2016. Via l'analyse des tweets des think tanks, donc du groupe de réflexion, on observe un engagement politique très fort à l'aube des élections européennes envers une alliance qui irait, je cite, « des sociodémocrates jusqu'à la droite suédoise ». L'ennemi donc, de ce groupe de réflexion étant, je cite, « les nationalismes ». Émergeant partout en Europe et dans le monde. Des idées qui ne déplairaient pas à notre cher président Macron. C'est l'article qui parle. J'en termine. Le 16 janvier 2019, Global Utmaning, donc le groupe de réflexion en question, antinationaliste et dit écologiste, était fier d'annoncer sur les réseaux sociaux sa nouvelle collaboration avec Global Shapers, une communauté de jeunes dirigeants de 20 à 30 ans dotés d'un grand potentiel pour jouer un rôle dans l'avenir de la société et qui travaille à améliorer la situation des populations autour d'eux. Ce réseau a été créé de toutes pièces par le Forum économique mondial, donc Davos, en 2011. Ses leaders entendent bien sauver la planète tout en maintenant la croissance économique et en réclamant plus de mondialisation. Donc en fait, la boucle est bouclée. Davos organise cette opération de com pour légitimer ensuite des mesures à venir, vous allez voir, qui le plébiscite, des mesures économiques, hein, voilà. Et c'est piloté en sous-main par la finance, par un groupe de financiers suédois. Voilà. Alors maintenant, je vais donner la parole à nos intervenants. Ils peuvent commenter comme ça, et peut-être Fulbert ou qui voudra, hein, ou Magda, peu importe. Qu'est-ce que voilà là on voit en fait qui est en mouvement. On est très loin de l'article de la Nouvelle République avec la jeune handicapée qui surgit sur la scène et qui se soucie des feux de forêt dans son pays. On est bien d'accord. On a quand même changé d'envergure là. Qui veut me dire quelque chose? Bah écoute, avec un tel niveau de storytelling, c'était cousu de fil blanc. Hein. Mais ils ont été trop forts. Donc je pense qu'en fait qu'ils s'adressent un peu à des autistes. Ou à des gens limités intellectuellement. Moi, je vois pas d'autre explication. Parce que c'est évident que... Enfin, faut quand même... La teneur de l'article, elle est quand même délirante, quoi. C'est-à-dire, elle va interpeller... Tu vois, elle va secouer les dirigeants. Je veux dire, t'as des millions d'antifa... Enfin, des millions. Des milliers d'antifa qui font chier à chaque forum international. Tu te doutes bien que les mecs, ils rencontrent des flics, hein. Je sais pas si vous avez déjà été à un sommet international ou s'il y en a eu un près de chez vous. Vous avez un débarquement de cavalerie. C'est impressionnant. Vous avez même des batteries de missiles solaires. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. Tout est sécurisé, le périmètre est bouclé, personne peut y rentrer. C'est impressionnant. Ces sommets-là, là, ces sommets internationaux. Sont des forteresses, quoi. Celui qui arrive à poser un attentat là-dessus, il marque l'histoire pour des millénaires, quoi. Enfin, en bien ou en mal, je sais pas, hein. Moi je le ferai pas, en tout cas. Ouais, ouais, non, mais t'as des déploiements de forces spéciales, t'as des tireurs de précision sur hélicoptère, c'est un truc de malade. Et te faire croire qu'une petite jeune fille va naïvement, de ses propres moyens, tu vois, interpeller en venant en train de Suède les dirigeants mondiaux pour les mettre. Pour comme une petite enfant, en fait, leur asséner les quatre vérités du monde, mais plus personne n'y croit. Les gens qui croient encore, c'est quoi? C'est la ménagère de plus de 50 ans, un peu limitée, et peut-être les très jeunes. Moi, je pense qu'en fait, c'est destiné aux enfants, un tel message. C'est pas destiné aux... Non, c'est un phénomène qui est très connu en psychologie et qui est utilisé par la propagande. C'est qu'en fait, quand tu crées un message en parlant comme un enfant ou en présentant un enfant, psychologiquement, ça déclenche dans le cerveau de celui qui reçoit le message un retour en enfance, ce qui abolit le sens critique. Oui, t'as des effets empathiques, ça c'est sûr. Alors peut-être encore plus avec un handicapé. Mais c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui est très connu. Par exemple, si tu fais des phrases simples avec une voix d'enfant, par exemple, ils avaient fait cette propagande pour l'euro, pour faire avaler l'euro, pour présenter l'euro, ils avaient utilisé une voix d'enfant, typiquement, donc pas une voix d'adulte, une voix d'enfant, et les phrases étaient des phrases élémentaires, d'accord, pour dire l'euro c'est positif, ça va nous faire machin. Vous voyez, avec une voix. Quand ils font ça, c'est une opération de guerre psychologique qui est menée contre vous. Votre niveau critique de distance s'effondre, et c'est l'enfant qui est en vous, si vous voulez, qui tout d'un coup est réactivé en quelque sorte et qui avale, parce que les enfants avalent tout, hein. Et c'est connu, et c'est très connu, enfin c'est des trucs en le marketing, mécanisme enfin, est simple, voilà. Le mécanisme est simple en fait, hein. C'est on a un inconscient qui reçoit le message, donc le conscient lui il va filtrer. Mais au niveau inconscient, le message va arriver tel quel, et ensuite, cet inconscient va influer légèrement sur le conscient. Et voilà. Pour les gens très conscients, il influera peu, et pour les gens très peu conscients, l'inconscient influera beaucoup. Et comme on est dans une période où les gens sont très peu conscients, l'influence de l'inconscient sur leur conscience sera déterminant. Et c'est ça qui fait que vous aurez affaire à des gamins attardés, des adolescents qui sont gentils petits, enfin qui comprennent plus rien au monde, quoi, qui n'ont plus rien bité. Mais ces mécanismes-là peuvent être utilisés à tous les niveaux. C'est le principe de la suggestion, en fait. Vous savez, je crois que c'est un Français en plus qui avait découvert la méthode, quoi. Coué, je crois que c'est un Français, hein. Mais c'est les Français qui y croient le moins. Mais il faut savoir que la suggestion, toutes les élites en usent et en abusent pour manipuler la masse, quoi. Et en fait, on se rend pas compte à quel point on est réceptif aux suggestions, et par exemple les femmes et les enfants tout particulièrement, et comme par hasard vous voyez que tous les grands manipulateurs mondiaux veulent faire monter les femmes et les enfants, et on voit que Mélenchon qui se prétend être un rebelle veut faire monter les femmes et les enfants. Tous ceux qui veulent faire monter les femmes et les enfants dans la politique, dans la sphère politique, ce sont des escrocs qui connaissent les manipulations de suggestion et qui veulent faire de la manipulation de masse, quoi. Alors, vous avez remarqué que dans ce que j'ai cité, l'article que j'ai cité, qui vient d'un site d'extrême gauche, écolo-gauchiste, hein, comme je l'ai dit, hein, il est dit, en toutes lettres, que le groupe de réflexion financé par les financiers qui sont derrière cette opération de com' en Suède veulent rallier tous les partis du système, je vais parler clair, hein, tous les partis juifs, en un front unique pour contrer ce qu'ils appellent le nationalisme. Nationalisme ou populisme, qui monte, nous dit-on, partout en Europe. Et ça commence, on nous dit, aux alentours de 2016. D'accord ? Et derrière, il y a Davos. Eh oui, la grande finance internationale, avec des figures comme Soros, qui organise l'invasion de l'Europe en la finançant, vous le savez très bien, et qui s'exprime régulièrement à Davos. Prend régulièrement la parole, d'ailleurs à cette occasion-là il attaque toujours quelqu'un, il va attaquer Poutine, il va attaquer les populistes, il a toujours quelque chose en tête. Un grand bénéfacteur de l'humanité. Voilà, c'est ça, et ben vous voyez que c'est ces gens-là qui utilisent comme contre-feu à la révolte des peuples, à leur programme économique, l'argument bidon de l'apocalypse du réchauffement climatique, pour en fait faire de l'agitation dans les rues et casser la narration populaire, d'accord ? Donc vous avez le peuple qui dit notre niveau de vie s'effondre, notre sécurité s'effondre, notre cadre culturel s'effondre, notamment à cause de l'immigration, etc., qui est voulu par ces gens-là. Leur niveau de vie à cause des politiques que mènent ces gens-là, hein, parce qu'on sont des politiques sur lesquelles on va pas revenir tout de suite, mais qui sont menées par eux. Et en fait, ils ont un contre-feu, un leurre. Et le leurre, c'est, voilà, l'apocalypse climatique, après-demain. La preuve, c'est que cette jeune fille autiste le dit, donc c'est que c'est vrai. Rentrez tous chez vous, et puis si quand vous sortez dans la rue, c'est pour faire baisser la température. Et vous avez vu à quel point tu parlais de suggestion des jeunes, qui c'est qu'on met dans la rue en France en ce moment, enfin qu'on essaye de mettre dans la rue, c'est les lycéens. Ah, et ils sont pas cons, ils sont pas cons, ils ont dit le vendredi. Pourquoi le vendredi? Ça fait des week-ends plus longs. Voilà. Week-end de 3 jours. Voilà, c'est ça. Et alors, il y a une bonne excuse, et le pouvoir est d'accord. Et vous avez aussi noté que dans l'article que j'ai lu de Reporter, ils disent, la rhétorique antinationaliste, parce que Macron a posé les élections européennes dans un clivage qu'il a lui-même déterminé progressiste contre nationaliste, il a donné des noms, hein, il a parlé de lépreux même, il a donné des noms Orban, Salvini, il a dit, cette campagne-là autour du réchauffement climatique, de l'écologie, et écologie qui par définition est profondément internationaliste, hein. Ils disent bien, hein, c'est la planète. Vous savez, il y a toujours la volonté d'unifier la planète. Hein. Bah, ça tombe bien, comme la finance, quoi. C'est marrant, ça traverse les frontières. Or, les nationalismes, c'est un peu moins le cas. Donc, ça colle, c'est ton sur ton, et ça permet de mettre des gens dans des rues pour essayer de mettre les caméras vers autre chose. Voilà. Bon, bah, on y est, quoi. Et le cas des Gilets jaunes, c'est un cas d'école. Voilà, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, ouais, il est un fait qu'il y a une convergence d'événements voulu, hein. Parce que je rappelle quand même que tu as fait le point, la relation avec les manifestations des Gilets jaunes du Gandalf, mais rappelez-vous que le 10 décembre, justement, c'est dans le début du mouvement des Gilets jaunes, mais c'est à peu près simultané avec les manifestations pour le climat, on signe le pacte de Marrakech. Oui. Sur les migrations. Qui a fait tomber le gouvernement belge, d'ailleurs. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'après, oui, le Premier ministre belge, je précise, qui est un francophone, qui est un gauchiste, hein, a forcé, il est dans une coalition avec, on va dire, des nationalistes flamands modérés, a forcé la main de son cabinet en allant à Marrakech signer ça, probablement sur pression de Macron, d'ailleurs. Alors que toute une série de pays européens, à la suite des États-Unis et de Donald Trump, ne signaient pas. Et patatras, son gouvernement s'est effondré, puisque les nationalistes ont claqué la porte, les nationalistes flamands ont claqué la porte, et depuis, la Belgique n'a plus de gouvernement, il va y avoir des élections au mois de mai, mais c'est pour dire qu'il y a des ruptures dans cette unification, on va dire, globaliste, qui est voulu par cette finance, dont on a cité des noms, hein, le juif Soros et d'autres, qui passe par des forums internationaux, Davos, des machins à caractère internationaliste comme la conférence sur le climat, bon, encore un autre hochet de l'internationalisme, etc. On pourrait continuer comme ça longtemps, mais on retrouve toujours les mêmes trucs. Et à chaque fois, il y a une rupture. C'est intéressant. Et en plus, même en Belgique, vous avez eu des gilets jaunes aussi. Vous n'en avez plus maintenant. Mais il y a eu un blackout sur le mouvement des gilets jaunes en Belgique, sauf lorsqu'il y avait des excès à certains endroits, ce qui montre clairement que la presse fait un blackout. Je voudrais aussi ajouter sur ce que tu as exposé, c'est que cette histoire d'opposition entre le Premier ministre qui va signer le pacte de Marrakech et la NVA nationaliste flamande, mais quand même belge, le Premier ministre et son parti vont probablement le payer très cher, parce que il y a un type qui vient de faire un choc dans le parti du Premier ministre, le parti libéral, le MR, en le quittant, et il a annoncé ouvertement qu'il formait des listes pour un nouveau parti, une sorte de NVA en francophonie, enfin en Wallonie. Donc, un parti de droite nationaliste. Voilà, bon, donc ça bouge. Hein. Oui, ça remue, et il est probable, comme il y a eu plusieurs histoires que je n'exposerai pas ici, parce que c'est typiquement belge, au sein de ce parti, qui ont fait des oppositions, des combats internes, qui laissent penser que le De Staes, le sénateur qui a quitté le parti pour former ce nouveau parti, va probablement être suivi. Donc on risque d'avoir quelque chose en Belgique. Je ne sais pas, hein, je suis pas prophète, mais on va voir. Donc je dis ça parce que vous avez eu des manifestations en Belgique, mais ensuite on vous a collé dans les pattes ces histoires de manifestations pour le climat, vous en avez encore. Donc c'est pour dire que c'est des contre-feux de rue, où on met en fait des gosses manipulés, parce qu'on leur dit voilà, vous aurez un week-end de 3 jours, ils vont glander dans la rue, ils sont contents, c'est comme, c'est toujours comme ça, quoi. Les médias font monter la sauce, etc. En France, on subit ça en ce moment même. On est là-dessus. Ça, c'est la bande à Macron. Ce sont les intérêts financiers derrière Macron, dont on a parlé, bon, je ne vais pas y revenir, qui sont occupés à faire ce truc-là. C'est directement contre le peuple, qui lui a de vrais problèmes, hein, de revenus, la classe moyenne, ça, bon. Ils sont en train d'essayer d'étouffer tout ça avec cette connerie bidon de réchauffement climatique. Voilà. Là, les gens, ils ont une explication. Voilà. Oui. Bah... Il y a je me permets en vitesse, parce que c'est lié. Justement, tu parles de contre-feu, c'est très juste. Et précisément, en Belgique, il y a eu le 2 décembre 2018 une manifestation pour le climat qui a rassemblé 65 000 personnes à Bruxelles. Bon. Mais depuis, il y a eu un appel de rassemblement général. Donc, je me résume, désolé. 65 000 personnes le 2 décembre 2018. Les manifestations du jeudi qui ont continué avec les lycéens. Et dimanche passé, il y a eu une tentative de refaire le coup du 2 décembre, c'est-à-dire de rassembler un maximum de gens, où les lycéens demandaient à leurs parents, amis, alliés, tout ce que vous voulez, de les suivre, et donc de refaire une grosse manif comme le 2 décembre. Mais cette manifestation n'a rassemblé que 10 000 personnes, et cela montre qu'il y a un sérieux reflux. Alors, c'est marrant parce que l'un des sujets, enfin les sujets, enfin les sommets internationaux, ils ont un peu des sujets, un petit peu comme dans les tables rondes maçonniques, les sujets à l'ordre du jour. Et je crois que l'un des derniers du groupe Bilderberg ou du sommet de Davos, c'était les classes moyennes à l'épreuve de la démocratie ou la démocratie à l'épreuve des classes moyennes. Donc en fait, ce que ça veut dire en version traduite, c'est il existe une classe moyenne blanche productive, et cette classe moyenne n'a pas envie, totalement encore envie de crever, et donc c'est une menace pour la démocratie. Traduire démocratie idéologie cosmopolite, quoi. Et ça fait le lien avec le climat. C'est le juif. Oui, juive, et ça fait énormément le lien avec le climat. Parce que, vu que cette classe moyenne a encore des attentes, ne serait-ce qu'en termes matériels ou identitaires, encore trop important, c'est une épreuve pour nous. Hein, donc effectivement, il va falloir tout faire en sorte pour que on la fasse moins consommer, hein, qu'on la fasse consommer comme des nègres, et puis qu'on la dissolve dans le bain identitaire métissolâtre, quoi. C'est pas moi qui ai inventé la formule, mais c'est ce que je qualifie de finance trotskiste. C'est-à-dire que c'est la grande finance juive qui utilise en fait toutes les forces disponibles internationalistes, de l'extrême gauche, de la gauche, de la démocratie molle, la social-démocratie internationale, etc., pour abattre les peuples. Hein. Donc ça passe aussi par l'immigration, pour les remplacer, etc. Mais c'est une volonté de mise en coupe réglée, de contrôle, notamment du contrôle de l'économie. Donc il y a des gens qui, parce qu'on entend une rhétorique qui dit que c'est ultra-libéral, non c'est pas du tout ultra-libéral. Ils veulent pas du tout une économie où la concurrence aurait lieu, je veux dire, selon des règles ouvertes, etc. Non, ce sont des monopoles, des oligopoles qui sont constitués et qui utilisent les bonnes vieilles recettes du socialisme, hein, du socialisme international, hein. On va faire des forums, on va faire des régulations, on va prendre des décisions, on va signer des traités, etc. On va lier les nations progressivement dans des ensembles dont ils pourront inextricables. Et face à ça, en fait, il y a une réaction, à contrario, de volonté de liberté qui est portée en fait par ces classes moyennes qui sont en train de se faire saigner. Parce qu'à côté de ça, et ça c'est le deuxième élément de notre discussion sur lequel je veux qu'on vienne, c'est que derrière tout ce discours sur le réchauffement climatique, il y a le programme économique de Davos et de la finance qui est derrière Davos, mais aussi de l'aile socialiste internationale qui est la grande alliée de cette finance. Parce que les candidats de choix de la finance, vous l'avez bien compris, par exemple, ce n'était pas le parti républicain de Donald Trump en 2016. C'était Clinton. C'était le socialisme internationaliste. Donc on abat les frontières extérieures, mais aussi à l'intérieur. Hein. On fait venir des gens de toute la planète, etc. On fait du dumping social, parce que c'est toujours intéressé. Hein. Mais il y a ce logiciel profondément internationaliste. On le retrouve à gauche. On ne le retrouve pas à droite avec le Parti républicain, sauf dans une frange très particulière qui est la frange juive, néoconservatrice, qui, elle, sert en fait de bélier, c'est-à-dire qui va faire des interventions militaires dans les zones stratégiques où il y a une résistance en fait à cette prédation internationale juive, en fait, de la finance juive. Donc Davos et compagnie dont j'ai parlé. Et derrière ce discours-là du réchauffement climatique, il s'agit de financer la pile de dettes qui est accumulée et que la finance entend bien récupérer. Et Macron, bah c'était ça le discours de base, c'est au départ de la crise des Gilets jaunes, c'était on va augmenter les impôts. Alors, pour le coup, sur les énergies fossiles, dixit. Alors voilà, ça c'est. Avant que je donne des éléments, quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Pas spécialement. J'enchaîne sur le contenu pour citer ça, pour dire à quel point ça nous arrive dans la gueule bientôt là. Toute petite chose sur cette oligarchie dont tu parles. Ouais. Tu parles d'abattre les frontières, etc. C'est aussi une oligarchie qui favorise l'islamisme, comme en Syrie, etc. Enfin, ça, c'est une parenthèse, parce que parfois on entend dans les médias mainstream, oui, ils luttent contre l'islam ou l'islamisme. Non, non, pas du tout. Au contraire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, du coup, toutes les augmentations de taxes décidées au niveau de Davos, du G20, qui sont prévus pour financer cette crise qui en fait est très essentiellement liée à l'effondrement des retraites, du système de retraite en Occident, donc de l'état-providence sociale en place, qui est liée aux boomers aussi, ne l'oubliez pas, il faut augmenter les taxes et les impôts. L'arnaque du réchauffement climatique, c'est le machin, c'est l'hameçon qu'ils ont pour convaincre les gens, les terroriser si vous voulez, pour leur faire accepter cette hausse massive. Et il y a de la résistance. C'est lié au populisme, les classes moyennes refusent. Donc là, on est au cœur de ça. Je vais vous amener maintenant aux États-Unis, pour vous montrer d'abord que c'est lié. C'est-à-dire que France, États-Unis, Belgique, Suède, c'est le même truc. La finance n'a pas de frontières. Mais il y a des gens très radicaux. Je l'ai dit, hein, le Parti démocrate, c'est vraiment... aux États-Unis, le parti de la finance. Hein. C'est le parti de Clinton, c'est ce parti-là qui applique le programme de la finance. Or, à l'intérieur du Parti démocrate, de manière très révélatrice, il y a une lutte, parce qu'il y a des gens qui veulent aller encore au-delà, au nom de cette idée du réchauffement climatique, c'est-à-dire de faire passer l'agenda socialiste, de la taxation systématique. Vous comprenez? Et c'est, en fait, la machine est en train de s'emballer parce que, en fait, il n'y a plus royaliste que le roi. Alors, c'est quelqu'un dont vous allez forcément entendre parler dans les. On peut la trouver déjà dans la presse française, mais vous allez en entendre parler dans les années à venir. Ils vont vous présenter ça comme une femme extraordinaire, une progressiste de choc qui aime les minorités de toutes les couleurs, etc., et qui a un programme formidable. Elle l'a présenté très récemment. Ça s'appelle le New Deal vert. Green New Deal, le New Deal vert, inspiré évidemment de Roosevelt, hein, qui était un socialiste, Roosevelt. Alors voici ce que ça donne. Donc là, c'est cité par le Huffington Post. Alors ça m'a particulièrement frappé, Huffington Post Québec. Parce que même pour les gauchistes du Huffington Post, c'est trop. Ce qui en dit long quand même. Alors voici l'article. L'américaine Alexandria Ocasio-Cortez est la nouvelle vedette montante du Parti démocrate et la nouvelle coqueluche des médias. Peu importe si la quasi-totalité de ses idées est saugrenue, n'a aucun sens ou est carrément destructrice, ou les trois à la fois, son énergie débordante semble très contagieuse chez plusieurs. Prenez en exemple sa politique phare, un New Deal vert, à l'instar de l'infâme programme de Franklin Delano Roosevelt. Cortez propose une expansion sans précédent du gouvernement fédéral, donc gouvernement central, de l'étatisme si vous voulez, afin, espère-t-elle, de sauver l'environnement et de créer une économie verte s'étant débarrassée des sales énergies fossiles. Maintenant, même si urgence il y avait pour sauver la planète et le climat. Le plan d'Ocasio-Cortez ne ferait rien pour y remédier. En fait, il risque de transformer l'oncle Sam en pays du tiers-monde. Entre autres, sa loi propose que la quasi-totalité de l'énergie aux États-Unis provienne de sources renouvelables d'ici 2030. Par cela, elle sous-entend très certainement le solaire et l'éolien. Si tel est le cas, les émissions du méchant CO2 sont destinées à augmenter. En effet, l'Allemagne, qui a poussé à fond la dépendance de ce type de sources d'énergie, montre que ces sources sont tellement peu fiables qu'il est nécessaire d'avoir des sources d'énergie de soutien, généralement alimentées par des énergies fossiles, comme centrales à charbon. À moins, bien sûr, de vouloir que le système électrique saute, comme ça s'est produit dans la province de South Australia il n'y a pas si longtemps. Bref. Alors, je pourrais continuer comme ça longtemps, elle a toute une série de propositions, mais notamment, elle veut faciliter la syndicalisation, mettre en place, vous l'entendez de plus en plus, le revenu de base universel, un régime public universel de soins de santé, donc ça c'est un super Obamacare, c'est-à-dire couverture totale pour tout le monde, y compris les millions d'Hispaniques qui passent la frontière, dont le coût est estimé, parce que c'était proposé par Bernie Sanders, 36 000 milliards de dollars, hein, pour commencer. Bon, elle est dans cette logique-là, quoi, et tout est justifié au nom du réchauffement climatique. Donc elle propose même un plan quinquennal, enfin il y a toute une série de choses comme ça. Alors il y a une évaluation de son projet sur 10 ans pour les États-Unis. C'est cité par le site investors.com qui cite plusieurs organismes qui ont essayé de chiffrer à peu près ses propositions en termes d'énergie, électricité, etc. 93 000 milliards de dollars en 10 ans. Donc c'est 9 000 milliards de dollars par an. Voilà, c'est du socialisme qui détruirait totalement l'économie américaine. Vous, en gros, ne plus utiliser de carburant fossile, c'est quel qu'il soit, quoi. Hein. Réduire à fond l'utilisation de l'avion, etc. Enfin, c'est complètement délirant. Et ça, c'est le pire, et ça, c'est ce qui choque, en fait, une partie de l'établissement américain qui était encore un peu pragmatique, c'est que ça rencontre un succès fou dans les masses marrons américaines. Argent gratuit, au nom donc de la lutte contre le réchauffement climatique, qui aboutirait à ce que j'ai décrit. Quoi. Alors là, j'ai un autre exemple français, mais avant, je vais vous solliciter votre réaction peut-être là-dessus, pour voir que ça prend, aux États-Unis en tout cas. Ouais. Bah, oui, je voudrais faire une parenthèse, c'est que le nucléaire, par exemple, certains disent oui, il faudrait des voitures électriques. Alors, déjà, les voitures électriques, en forme de composants qui sont... difficiles à trouver, qui sont rares, qui sont chers, qui sont polluants, qui sont difficiles à retraiter. Et d'autre part, comment produit-on de l'électricité? Bah, soit vous mettez des éoliennes LED, mais ça, il en faut des millions pour faire véritablement beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, accumuler d'énergie. Puis ça, d'ailleurs, ça modifie, ça perturbe le circuit des oiseaux et des personnes, même des populations qui vivent autour. Hein, il y a bref, c'est tout un tas de problèmes, je ne vais pas trop développer, mais tout ça pour dire que quand on parle du nucléaire, les gauchistes en général ne sont pas favorables, mais pourtant ça semble être le seul moyen permettant de développer des voitures électriques qu'ils encouragent. Donc c'est un paradoxe total, et bon, voilà. Enfin, après, les énergies fossiles, il est évident que les énergies fossiles, ce n'est pas la panacée. Si vous avez 1000 milliards d'individus sur la Terre, qui roulent tous en 4x4, c'est sûr que ça va poser un certain nombre de problèmes, je le pense. Cela dit, c'est pas la première source, on pourra y revenir tout à l'heure peut-être, c'est pas la première source de pollution dans le monde. La pollution, c'est la pollution des rejets dans la mer, notamment des plastiques. Et ça, c'est les pays du tiers-monde qui en sont les grands spécialistes, hein, parce qu'il y a une, et la Chine en particulier, qui n'est pas totalement du tiers-monde, c'est vrai, mais dans une bonne partie de la population, tout de même, en fait partie. Alors, ce que je voulais faire observer, c'est qu'il y a une course à l'échalote, en fait. Il y a un affrontement à gauche. Donc, j'ai bien dit, enfin, j'ai expliqué hein, qu'on a un système, il y a une oligarchie, très clairement, une plutocratie, si vous voulez, qui est la plutocratie financière juive, qui utilise la gauche occidentale pour faire passer son programme de recouvrement des dettes hein, au nom du salut de la planète face au réchauffement climatique. Ça, vous avez bien compris. Sauf qu'il y a une autre clientèle à la gauche de la gauche occidentale, on va dire l'extrême gauche, qui veut taxer tout ce qui bouge, mais à des niveaux bien supérieurs et basculer en réalité dans un collectivisme qui ne dit pas son nom. C'est une espèce d'inversement du discours, d'ailleurs, des marxistes. C'est-à-dire que les marxistes, première formule, donnaient à l'homme, enfin prêtaient à l'homme, une mission qui était celle de dominer la nature dans une marche pour le progrès et à parvenir à la société socialiste idéale. Et là, par une espèce d'artifice rhétorique, les marxistes disent que c'est en raison des contraintes de la nature que l'homme doit mettre en place le socialisme. Vous comprenez ? C'est-à-dire que on a vu les tentatives de socialisme au nom de la domination de la nature. Si vous vous intéressez à cette affaire, Staline avait essayé de faire un canal en changeant le cours du fleuve originel. Ça a échoué misérablement, mais ça a fait quand même des dizaines de milliers de morts. Donc il y a toujours cette volonté, espèce de prométhéenne des marxistes, de vouloir forcer la nature à répondre à la raison humaine, en fait. Hein. Bon. Maintenant, ils ont inversé le discours, comme j'ai dit. Alors maintenant, on va mettre en place, c'est ce qu'ils ont compris, hein. Mélenchon fait ça, hein. Mélenchon parle, comment, je ne sais plus comment il appelle ça, je crois qu'il aime bien mettre le mot plan, voilà. Il dit l'économie, enfin pour l'écologie, c'est, mais il y a un plan économique, il y aura un commissaire au plan, voilà, c'est, bon, c'est pas très original, mais le coup dialectique est bien joué pour revendre la même soupe frelatée qu'il y a 150 ans, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau depuis le manifeste du Parti communiste, mais bon. Alors on met un peu plus de fioritures, on met des PD, on met des basanés, on met des choses comme ça, et puis un peu de petits oiseaux, voilà, pour voilà, mais bon, c'est le même programme, quoi. Bon, et là il y a un problème, parce que la finance, elle veut taxer à fond, oui, mais pour rester à flot, alors que, comment dirais-je, ces extrémistes-là veulent taxer, oui, mais pour leur propre compte, c'est-à-dire qu'ils veulent s'emparer de l'État, taxer tout le monde et garder l'argent, d'accord, donc bon. En fait, ils utilisent les mêmes arguments, mais c'est pas tout à fait les mêmes finalités. Oui, dans les grandes manœuvres. Ça massacrerait, par contre, on est bien d'accord, la classe moyenne occidentale. Hein. Ça dans le processus, elle y passe, quoi. Oui, les grandes structures de type Goldman Sachs et compagnie, dont le président avait dit, Lloyd Blankstein, quelque chose comme ça, avait dit qu'il accompagnait. Il réalisait le travail de Dieu sur Terre, Dieu au sein de Yahvé. Oui, c'est pas votre voilà. Nom, c'est ça. Donc ces structures-là, puisqu'elles sont très très fortes, j'ai parlé tout à l'heure de l'oligarchie, etc., en disant qu'il y avait des similitudes avec le socialisme, c'est vrai, parce qu'ils ont placé des hommes à eux, où ils font en sorte qu'il y ait des gens qui ne les dérangent pas, comment dire, à la tête des gouvernements. Donc il y a une connivence entre d'énormes structures et puis des gouvernants. Ils veulent faire en sorte que s'il y a des pertes, ce soit pour le travailleur et le payeur d'impôts, oui. Et si jamais il y a des profits dans telle ou telle opération, ce soit par contre pour leur compte et pour leur poche. Hein, parce que, il y a, c'est vrai, des États qui sont endettés, évidemment, des gouvernements adossés à des États, évidemment, mais aussi il y a des profits et monstres qui sont réalisés sur la planète. C'est absolument clair que Nestlé, qui va à Davos, hein, dont on parlait, Nestlé, Goldman Sachs, là les fins de mois ne sont pas trop trop difficiles, hein. Bayer Monsanto, l'industrie pharmaceutique qui fait pas loin de 1000 milliards d'euros par an de bénéfices. Hein. Donc il y a une crise du système parce que les États auxquels ils ont prêté sont criblés de dettes. Donc l'augmentation des taxes est prévue, mais le lien entre... Je parlais de finances trotskistes, mais c'est même pas une caricature, puisqu'on sait que Trotsky a été collecté des fonds auprès de la banque juive new-yorkaise pour mener la révolution bolchevique en Russie et abattre le tsar. Bon, Trotsky était juif lui-même, donc je veux dire, finance trotskiste est un terme qui me semble tout à fait convenir, c'est-à-dire qu'on utilise les méthodes autoritaire, comment dirais-je, du socialisme, voire du communisme, pour parvenir à ses fins, mais il s'agit toujours de renflouer les caisses de la finance juive internationale. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, ce sont les deux faces d'une même médaille, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en mouvement, avec toute une série d'artifices. Mais il s'agit bien de faire cracher les gens au bassinet, et aussi de leur expliquer que oui, leur niveau de vie va baisser. Oui, ça va baisser. Mais plutôt que de dire « Ah zut, c'est dû à un dysfonctionnement économique, on ne sait pas trop, voilà », il s'agit plutôt de faire en fait un accompagnement thérapeutique préventif. Donc on n'attend pas que ça survienne pour leur dire « Ah bah c'est étonnant, votre niveau de vie a baissé », c'est qu'en fait on leur dit « Il va falloir se priver de ça de ceci ou de cela, de tel bien de consommation plutôt que de tel autre. Enfin, voilà. Parce que c'est une nécessité, comprenez-vous, c'est pour le climat. Alors, on va vous laisser un peu de temps, il va falloir s'adapter. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils vont augmenter tellement les impôts ou l'austérité pour renflouer les caisses de la finance, que de toute façon, le niveau de vie va s'effondrer. Mais eux, ils veulent présenter ça comme une démarche volontariste. Alors, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple concret pour que les gens se rendent compte que c'est pas du flan. Ensuite, vous pourrez réagir. Ça, c'est le magazine Contrepoint qui cite ce truc. Je vous le livre. C'est signé Gérard Michel Thermot. Voilà, c'est le nom de la personne qui a écrit ça. La planète va mourir. Vite, des solutions miracles. Étonné, cela tombe bien, c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes idéologiques. Le communisme a fait du bon travail après tout, en tout cas aux yeux de Novetic. Qu'est-ce que Novetic ? Tout simplement un accélérateur de transformation responsable. Cela vous fait peur ? Eh bien, vous avez raison. Vous ne connaissez pas ? C'est dommage, car c'est votre argent qui finance cet organisme qui dépend du groupe Caisse des dépôts. Bref, un groupe public au service de l'intérêt général. On peut trouver sur le site de ces grands humanistes le programme proposé par le cabinet d'analyse BL Evolution. Ce merveilleux cabinet, ne reculant devant aucun sacrifice, nous gratifie de propositions concrètes. Et que nous proposent donc ces sauveurs de la planète, purement et simplement d'établir un régime communiste ? C'est ce que nos tendres amis de Novetic appellent des mesures drastiques. Oui, mais attention, c'est pour notre bien. Alors je vais vous lister les mesures que propose cet organisme financé par l'État français. C'est pas un groupuscule, c'est pas une ONG, hein. C'est financé par l'État français. Hein. Comment s'aligner sur une trajectoire de 1,5 degré Celsius ? Donc en fait, je pense pour limiter l'augmentation à 1,5 degré, puisque la température augmente, nous dit-on. Hein. Voilà les mesures. Moins 63% d'émissions de CO2 entre 2017 et 2030. Mobilité, moins 76%. Je cite, hein. Interdiction de vente des véhicules neufs pour un usage particulier dès maintenant. Réduction de 5% par an des kilomètres parcourus par les particuliers. Interdiction des voitures thermiques au centre urbain en 2024, les voies urbaines étant dédiées au vélo. Généralisation du télétravail 2 jours par semaine à partir de 2025 pour tout salarié habitant à plus de 10 km de son travail. Trajet en voiture divisé par 2. Trajet en transport en commun multiplié par 2. Trajet en vélo multiplié par 6. Ça va vous faire les muscles. Résidentiel, moins 74%. Interdiction du chauffage au fioul en 2026. C'est en course, hein. Pas au fioul, mais les chauffages... Oui, au fioul domestique, ça y est, ça c'est en course, c'est dans les tubes. Hein. Donc ça, ils disent que c'est une proposition drastique, qu'ils énoncent. Philippe, le Premier ministre, l'a annoncé. Hein. Tout à fait. Hein. Alors, il a fait une petite reculade. Ouais. Je crois qu'effectivement, il y a dans les tubes de 2030, je crois, de remplacer les chaudières à fioul de trop vieilles, en fait. Ouais, voilà. Oui, enfin, non, même de passer, je crois, à un nouveau mode, je crois que c'est à l'électrique, je crois, enfin bref. Autre proposition, les constructions neuves sont exclusivement de l'habitat collectif avec une surface maximum par habitant de 30 mètres carrés. En 2025, couvre-feu thermique, hein, entre 22h et 6h pour atteindre une température moyenne de 17 degrés dans les logements. Instaurer une taxation progressive pour décourager de consommer plus de 3 à 4 kWh d'électricité par jour. Il y a d'autres propositions, j'en viens, hein. Mais voilà. C'est très sérieux, ouais, attention, c'est très sérieux. Ça veut pas dire que ça va être fait. Ça veut dire que le gouvernement français a des organismes publics qu'il finance pour lui suggérer des pistes. Voilà, c'est vrai dans d'autres pays. Et ils arrivent avec des trucs sur leur table. Alors on dit c'est radical, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent faire la moitié, par exemple, vous voyez. C'est-à-dire que, voilà, il y a des trucs qu'on peut faire de moitié. Et on leur met ça sur la table. Si on leur liste 20 propositions, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui vont être prises, on sait pas, vous voyez comment ça marche. Donc, que ces trucs-là arrivent sur la table du gouvernement français, ça vous dit qu'il se passe quelque chose. Oui, oui, il y a un site qui s'appelle stratégie.gouv, et c'est très intéressant de le consulter de temps à autre, puisque quand tu consultes un petit peu les rapports, tu sais que d'ici quelques années, il va se mettre en place de façon très subtile, déjà en faisant de la communication, en lâchant des ballons d'essai dans la presse, de ce qu'ils disent dans ces rapports. Et l'un des rapports qu'ils avaient pondu, c'était la mise en place, alors, ça m'a fait rire, c'est des impôts non conventionnels, des formes de taxation non conventionnelles. Et alors, eux parlaient carrément de d'impôts sur la propriété privée. Alors, on en a entendu parler, puisque je ne sais pas si. Enfin, ça fait quand même pas mal de bruit, qu'ils voulaient carrément mettre une taxe spéciale, une taxe mensuelle pour les propriétaires, en fait. Donc, en fait, quand tu as acheté ton bien, ou quand tu en as hérité, tu dois taxer tout. Enfin, tous les mois, tu dois en plus payer un loyer à l'État. Le truc. Totalement délirant. Ah ouais, et aussi, on a déjà discuté ici, c'est une réforme agraire, enfin plutôt immobilière, qui va être déguisée en redistribution écologique avec les nègres. Ça, c'est l'Afrique du Sud, ça. Ouais, mais c'est. En France, quoi. Alors, ouais. Ce sera pas au niveau agraire, enfin au niveau des terres agricoles, ouais. Mais ça sera plutôt au niveau des maisons. Ça, moi, je pense qu'on va venir dans les années à venir. Ouais. Et ça sera au motif. On va saupoudrer de l'écologie dessus. Ouais. Et en plus, parce qu'on va te dire que les maisons individuelles sont beaucoup trop polluantes. Hein, le pavillon, en fait, est petit bourgeois et qu'il faut vivre dans des HLM. Avec des nègres, ouais. Donc, en fait, tu vas avoir la conjonction des deux. C'est pas pour rien que les nègres. Ils sont très favorables. Ouais, oui, heureusement qu'il pourrait s'inspirer d'Alain Benoît. En fait, qu'Alain Benoît a écrit un livre qui s'appelle La décroissance, dans lequel il prône finalement de façon beaucoup plus limitée, mais il prône quand même ce genre d'orientation. Il faudrait la tiers-mondisation. Oui, la tiers-mondisation. Et ben moi, je suis pour la décroissance. Je suis pour la décroissance des nègres. Moi aussi. Ouais. Oui, et de Benoît s'appuyait sur un spécialiste de l'écologie qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Serge Latouche. Bon. Ouais, Latouche. Ouais, Latouche, ouais, il est connu. Ouais. Alors, mais la croissance, le problème, c'est que en fait, on voit à chaque fois que quand on diminue la croissance dans un pays, il y a à chaque fois de plus en plus de gens qui sont au chômage. C'est un phénomène mécanique, puisque si on suppose que d'une année sur l'autre, les individus fassent à peu près le même nombre d'individus dans le pays, et que ces gens-là fassent à peu près le même nombre d'efforts, vu que la technologie s'améliore, il est normal de produire davantage que l'année d'avant. Mais si on rentre dans une logique qu'on appelait malthusienne, hein, le Malthus, le moine qui voulait que les gens ne fassent plus d'enfants, puisque ça allait être la fin du monde, sinon au 19e siècle, bon, on a vu ce qu'il en était, on n'est pas encore mort, mais... Et la planète est toujours en vie, même si je dis pas, il faut faire attention à certains trucs, à nos comportements, mais enfin, ça n'empêche pas que ce genre de programme est complètement délirant. Et puis là encore, voilà, hein, si on rentre dans une logique, on fait rien du tout, on dit ben non, il faut plus sortir de chez soi, il faut plus rien faire, il faut plus travailler. Bon, la Chine, vous inquiétez pas que la Chine, ils vont continuer à produire, ils vont continuer à nous dominer, ils vont continuer à nous envoyer des textiles que l'on va chercher d'ailleurs à l'autre bout de la planète avec. Des conteneurs qui polluent comme 1 million de voitures. Hein. Donc, ces gens sont des fous ou des manipulateurs. Enfin, en tout cas, c'est toujours la même chose. Vous avez des manipulateurs très intelligents en haut, relayés par toute la bêtise crasse des gens incultes. De toute façon, il y a l'idée de la terreur. Hein. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on vous dit, utilise le phénomène de dissonance cognitive. Hein. Et voilà, on vous dit, voilà, il y a votre comportement. On vous brandit une peur. En matraquant, en fait, parce que vous avez remarqué que c'est jamais prouvé scientifiquement. À aucun moment, il y a des argumentations extrêmement poussées pour convaincre les gens que c'est vrai. Il dit simplement réchauffement climatique, c'est affirmé, et on vous dit voilà, il y a votre comportement d'un côté, votre mode de vie, il y a cette terreur, il y a cette menace imminente qui arrive, ça crée un stress, une tension, il faut une résolution, et en fait, on vous propose la solution. La solution, c'est quoi? Vous allez réduire votre niveau de vie. C'est pas présenté comme ça, on dit pas monsieur, vous allez réduire votre niveau de vie. On vous dit vous allez devoir adapter votre mode de consommation. En fait, on vous dit, vous allez passer, on va basculer dans le socialisme pour les besoins de l'écologie, mais en fait, vous allez juste apprendre à devenir pauvre pour que la finance juive continue à s'en foutre plein les fouilles. Ouais. Voilà, c'est exactement ça qu'on vend aux gens, hein, je veux dire. Et du coup, pour mettre ça en place, il faut des gouvernements autoritaires et policiers. Parce que vous pensez bien, avec les mesures qu'ils veulent proposer, etc., jamais les gens qui ont par nature une envie de liberté ne vont y aller de bonne grâce. Je veux dire, il va falloir la trique, il va falloir que ça souque à tout point de vue. Donc, c'est pas du tout étonnant qu'on bascule dans ces mesures autoritaires-là. Vous avez vu ce que j'ai cité, quoi. Bon, je dis pas que ça va se faire exactement comme ça, mais... Pour corroborer encore un petit exemple, j'ai un ami qui a passé son permis, mais sur le tard, quoi, passé les 30 et quelques années. Et il a donc il a un œil assez critique, et on dit, c'est même dans tous les entraînements du permis, dans toutes les leçons, etc., ou même à l'examen, dès lors que vous possédez un véhicule, mais que vous n'êtes pas obligé de le prendre pour aller à tel ou tel point, s'il vous plaît, évitez. Quoi. Et en fait, si jamais vous, dans la réponse aux questions, vous ne vous soumettez pas à ce dogme, vous avez davantage de risques d'avoir faux, et donc de peut-être de ne pas avoir votre code, et puis après votre permis, et compagnie. Alors, il y a d'autres propositions, ça concerne les vols. Moins 72% de vols. Là, je parle des vols d'avion. Hein. Suppression des vols intérieurs disposant d'une alternative par la route ou le fer en moins de 4 heures dès 2022. Interdiction de tout vol hors d'Europe non justifié dès 2020. Il faut justifier vos vols hors d'Europe, les gars. Autorisation de 2 vols aller-retour long courrier par jeune de 18 à 30 ans. Donc on rationne. Hein. Instauration d'une loterie nationale distribuant 500 vols par an. Je n'invente rien, ils proposent ça vraiment. Bon, on voit, et derrière ça, il y a quand même l'idée de contrôler les mouvements des gens. Hein, on va contrôler les mouvements des gens. Alimentation, moins 58%. Toute parcelle de jardin doit devenir productive. Ah oui, attention avec vos jardins particuliers. Interdiction du labour profond. La consommation de viande. Ah, ça nous intéresse ça. La consommation de viande doit passer de 90 kg à 25 kg par personne et par an. Interdiction progressive des produits transformés substituables. Instauration de quotas sur les produits importés. Café, chocolat, thé, fruits exotiques. Le nombre d'agriculteurs doit être multiplié par 2 d'ici 2030 et les parcelles en bio multipliées par 5. Voilà. Alors, voilà, j'ai cité quelques mesures là. Alors la viande, c'est bizarre, hein, tout d'un coup il y a une promotion très agressive des végans, c'est étonnant ça, non? Ça tombe bien, vous êtes d'accord, parce que la suédoise, là, Asperger, elle est végan, officiellement. Elle bouffe pas de viande. Ouais, d'après les végans, et d'après ce genre d'extrême gauche, il y a une conspiration. Alors justement, ils en ont fait un documentaire en anglais. Co-spiracy, donc co la vache, spiracy, les conspiracy, donc la conspiration, autour de la vache. Sous-entendu, donc les producteurs de viande seraient tous liés et auraient même filé des pots de vin à Greenpeace pour que Greenpeace et les organisations de ce type-là ne parlent que rarement ou trop rarement, d'après eux, voire jamais, de la question de la viande, du déséquilibre que ça produirait au plan international. Alors, on a parlé des végans, donc là, on en revient un petit peu. Là, je vais parler du Canada, précisément sur ce point très exact. Le Canada, en 2019, là, tout de suite, là, janvier, je crois que c'est, ils ont sorti leur nouveau guide alimentaire. Donc, c'est le guide alimentaire gouvernemental, dans lequel, en fait, il y a la recommandation officielle de ce que doit être... contenir en fait le bol alimentaire quotidien des Canadiens. Voilà, donc c'est le gouvernement qui s'exprime. Hein. Et il est passé à 90% végan. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort radical qui a été fait pour éliminer la viande. Et d'ici, parce que ça va continuer, d'ici quelques années, ils vont basculer dans le tout végan. Avec, on a parlé du sportif, donc en tout début d'émission, donc les gens savent de ce à quoi ça renvoie. Mais au Canada, ils y sont. C'est-à-dire que le gouvernement pousse, ce qui d'ailleurs crée une tension très forte, non seulement avec les producteurs de viande, mais aussi les producteurs de lait. Parce que le lait est squeezé. On explique dans le guide alimentaire canadien en question, le lait, non, il faut oublier, buvez de l'eau. Ok, donc on explique aux gens qui doivent manger moins bien, mais que c'est pour leur santé et qu'ils vont s'en sortir mieux, d'accord? Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Alors j'ai quelques prix alimentaires au Canada. Ah, incroyable! Un kilo de de blanc de poulet, 20 €. Un kilo de steak. C'est 45 €. Un kilo de fromage, c'est entre comment dirais-je, c'est entre 45 entre 45 et 60 euros le kilo de fromage. Là c'est 2 ou 3 litres de lait, c'est environ, c'est entre, que je raconte pas de bêtises, c'est entre 8 et 16 euros. Un lot, comment dirais-je, un lot de pain, c'est, oui, un pain, enfin un pain quoi, ça coûte environ 5 euros. 12 œufs, ça coûte 6 euros. Ça, c'est le prix de la bouffe là-bas. Et alors, la manip, parce que, comment dirais-je, ce qui était contenu, les aliments qui étaient contenus dans le guide alimentaire canadien, servaient de base pour calculer les prix de l'inflation. D'accord ? En éliminant le lait, en éliminant progressivement les œufs, en éliminant progressivement la viande du guide alimentaire, avec les prix que j'ai dit, hein, ça n'impacte pas les chiffres de l'inflation dans les calculs annuels, quoi, des statistiques du pays. Vous comprenez la manipulation ? C'est hallucinant quand même ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est au nom du véganisme. Hein. C'est fait là-bas au nom du véganisme, la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Voilà. Vous avez vu comment ça fonctionne ? Qui veut peut-être me dire quelque chose là-dessus ? Peut-être pas spécialement ? Sur les prix de la bouffe ou comment c'est fait, pas spécialement, personne. Bah, la question c'est, enfin, c'est marrant parce que en principe le communisme se fait sur un contrôle des prix de base à la baisse quoi. Et là c'est à la hausse, donc c'est quand même un retournement de situation assez marrant. C'est assez délirant le niveau des prix. Hein. Ouais, t'as vu. Hein. En plus, ça doit être des trucs qui sont de qualité tout à fait médiocre. En plus, c'est hein. Industriel, quoi. Ouais. Industriel, putain, mais alors quoi. Comment, enfin, c'est des prix. Il y a des taxes spécifiques là-dessus ou. Ouais, c'est. Ou c'est juste qu'ils sont mauvais. Non, c'est taxé, c'est très cher. Tout est taxé, en fait. C'est-à-dire, il y a des taxes spéciales sur la bouffe, quoi. Bah, en fait, tous les prix augmentent. Comme ce sont des prix qui sont de, comme ce sont des trucs de qualité, enfin de qualité, je veux dire, ce sont des aliments qui coûtent quand même, enfin qui sont de valeur, c'est particulièrement taxé, tu vois. C'est pour prendre le pognon des gens. Donc ça devient des produits de luxe si tu veux. Ça devient des taxes directes. C'est des taxes directes sur le ouais. Produit en lui-même ou est-ce que c'est des taxes par rapport, enfin taxes directes du coût du travail, du ci, le là, des normes. Tout. C'est vrai, putain, le prix du steak à. À 60 $, ça fait 40 balles le kilo, putain la vache, waouh! Ah ouais, ça douille, hein! Bah, surtout que là-bas, ils ont quand même des grands espaces, ils peuvent faire des trucs assez sympas, quoi, au niveau bouffe. Ouais. Il y a, en fait, voilà, c'est un produit de luxe maintenant, hein, donc on va abandonner un petit peu progressivement. 20 balles, le poulet à 20 balles, alors ça. Le poulet, c'est 1 kilo de blanc de poulet, c'est 20 euros. Mais moi j'ai vu les prix en photo, hein. Les prix en photo, hein, en rayon et tout. Hein. Alors les mecs rigolaient parce qu'en fait c'est sur des sites que tu trouves ça, des sites de commentaires. T'as des gens qui envoient des messages, s'il vous plaît envoyez-moi à manger. Alors. Donc ça c'est le pays à Trudeau, ça, hein, on est d'accord. Hein. Parce qu'ils sont particulièrement en pointe dans le socialisme, c'est la folie. Socialisme. Au nom de la lutte, le réchauffement climatique, machin. Donc, ouais. Taxe à gogo, réglementation truc, voilà. Et alors, du coup, on leur interdit aussi, ça c'est délirant, notamment dans l'Alberta, ils prennent des mesures de fou pour empêcher les forages, l'extraction du pétrole, du gaz, etc. Enfin, c'est vraiment une province qui pourrait être très riche, quoi. Et non, le gouvernement central, non, communisme, on évite réchauffement, c'est la folie. Bah, ils veulent de l'or noir, mais c'est pas le même, quoi. C'est le même or noir qu'on veut en France. C'est peut-être je sais pas si c'est la francophonie qui fait ça, il y a peut-être une histoire à creuser de ce côté-là. Bah, en tout cas, c'est de l'or haïtien. Alors, est promu au Canada sur la chaîne d'État, dans les programmes pour enfants, la consommation de protéines animales via des insectes. Je blague pas, c'est authentique. Oh, mais il n'y a pas qu'au Canada, hein. Ça fait plusieurs années qu'on commence à en parler. Tu as des boîtes de bobos, c'est qui te montrent des trucs, voilà, les belles sauterelles, tout machin, voilà. Les vers, les asticots, finalement le Ah ben je vais laisser ma viande pourrie avec des asticots, c'est dans ma meilleure. Hein. Bah en fait mais... t'auras plus de viande si tu veux parce que tu seras en train de chercher des coccinelles dans ton jardin pour bouffer. Ouais non, c'est pas les coccinelles. Mais non mais c'est... Alors, moi ça m'a fait penser cette histoire-là d'insectes. C'est... Alors, est-ce que c'est la phase de c'est la phase d'après le véganisme. C'est-à-dire, on a vu le sportif végan tout à l'heure. Là, type, ça marche pas. Bon ils vont trouver quand même un compromis. Pour trouver la protéine animale, ouais. On va dire ouais, bon, mais finalement, ouais, les asticots, ouais, ouais, ça va. Là, ça alors, peut aller. Ils recommandent. Hein, alors, c'est expliqué comme ça dans le programme pour enfants. Ils disent oui, en Occident, la consommation d'insectes est encore assez, trop, ouais. Encore assez mal perçue. Mais en Asie, c'est expliqué comme ça. En Asie, puis même dans d'autres pays du monde, quoi, ils disent 80% des apports en protéines sont le fait de populations qui se nourrissent, comment dirais-je, d'insectes, etc. Et en fait, on t'explique que c'est pas si mal et on te met un gros scarabée devant le gosse, il a un gros scarabée, tu vois, et on lui dit, bah écoute, pourquoi pas. Ils font pas ça de manière anodine, je veux dire, c'est pas juste pour dire, c'est marrant de bouffer un scarabée. Derrière, les types sont déjà, parce qu'au Canada, vous pouvez déjà trouver les trucs de bobo, mais qu'il y a en France aussi, là, les sacs d'insectes. Ouais. Grillés, quoi, ils sont déjà, voilà, vous pouvez les bouffer comme ça, quoi. Oui, alors, l'argument, c'est de dire qu'il y a que les Européens... qui ne mangent pas, autrement les Africains... Parce qu'on est des salauds capitalistes. Oui, c'est capitalisme, mais là, on voit bien que c'est la volonté de détruire notre art de vivre. Je veux dire. Et c'est quand on même met du carbone, en plus. Hein. Ouais. Bah, on pourrait aussi revenir à ce que fait le Zimbabwe, là, puisque depuis que le Zimbabwe a chassé les Blancs, du coup, maintenant, ils sont obligés, ils ne trouvent plus à manger, ils sont obligés de chasser des rats, et de chasser des bulots, pour les manger, bien sûr. Les moineaux aussi, vous savez que, alors je parle souvent des Khmers verts, mais chez les Khmers rouges, où ils prétendaient aussi parvenir à des grands rendements de production céréalière en prenant tous les citadins, en les mettant dans les champs, et en leur fixant des objectifs à atteindre qui étaient impossibles en fait, et en les faisant crever comme ça à suer dans les rizières, il y avait plus de moineaux dans le pays. Ouais, mais je crois que les maoïstes aussi ont fait ça pendant la grande famine. Ah oui, ils ont fait ça aussi, ouais. Parce qu'il n'y avait plus de moineaux, il y avait plus rien à bouffer, les gens bouffaient les moineaux. Attendez, là on est en train de préparer les gens. Alors, je vais terminer là-dessus, notre émission, mais je vais citer ça, parce qu'il faut quand même le citer, vous avez entendu parler de ça, ça remonte à 2-3 mois, mais voilà. C'était dans Ouest France. C'était Yves Cochet, l'ancien ministre de l'écologie. Là, on parle pas d'un... Un espèce de gourou d'une secte sorti de nulle part. C'était un gourou, il sortait d'une secte, mais pas de nulle part. Hein. C'est un ancien ministre. Voici ce qu'il disait. Yves Cochet, qui dirige le laboratoire d'idées, donc le groupe de réflexion, hein, laboratoire d'idées Momentum, consacré aux transitions nécessaires pour amortir le choc social de l'anthropocène, hein, assure que la croissance démographique a un impact important sur le dérèglement du climat. Démographie, dérèglement du climat, réchauffement climatique. Cet ancien professeur de mathématiques s'appuie sur l'équation du Kaya, du nom d'un économiste japonais, selon laquelle notre impact environnemental peut être résumé par I égale PAT. Pour quantifier l'effet de nos activités sur la planète, il faut prendre en compte la richesse d'une population, A, la technologie qu'elle utilise pour produire de l'énergie et des biens, T, mais aussi sa taille, P. On peut, bien sûr, agir sur les facteurs richesse et technologie, mais il nous faut aussi prendre en compte la démographie. Or, c'est un truisme de dire, pour réduire le nombre d'habitants sur Terre, il faut faire moins d'enfants. Alors du coup, il a une proposition. Alors, il se défend toutefois d'être raciste ou élitiste, et précise, je ne vise pas les pays les plus pauvres, qui font plus d'enfants que les autres. Au contraire, les pays riches sont les premiers à devoir décroître démographiquement, et ajoute que la limitation des naissances nous permettrait de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes. Yves Cochet, ministre de l'écologie. Oui, on avait déjà vu Cochet sur le câble, je crois. Hein. Bah, écoutez, voilà, on a parlé, on va bouffer des insectes, il faut mettre le socialisme en place, on va arrêter de bouffer de la viande, il faut accueillir des migrants. Les nègres bouffent des criquets. Hein, donc, c'est assez cohérent. Voilà, donc on va faire... Voilà, oui aussi, oui. Donc en fait, en gros, le programme, on fait disparaître les blancs, on fait venir des nègres, et tout va aller bien. Alléluia. Mais j'y caricature même pas, on pourrait croire que c'est sorti d'un cerveau d'un néo-nazi complètement taré, mais non, non, non, je fais que les citer, hein. C'est le programme. Là, vous avez eu, résumé sur tout ce qu'on a dit, le programme, en passant par toutes les modulations que vous avez vues hein, en termes de propagande, oui. Etc. C'est pas quelque chose de délirant, c'est-à-dire que tu as des instances internationales, tu as des gens qui se réunissent très régulièrement pour toujours pousser dans le même sens, hein, de ce côté-là. Les forums pour la planète, c'est tous les deux ans maintenant. Hein, c'était Paris, là, je sais pas où ça va être le prochain, mais oui, c'est voilà, le programme étant de faire disparaître les blancs. Hein, que les gens comprennent. Hein. C'est un projet bon. Ça tient beaucoup à un peuple soucieux d'écologie. Hein. Voilà. Bah oui. Okay, bah, la taxe carbone, excuse-moi. S'il y a bien un peuple soucieux des émissions de carbone, c'est quand même Israël. Hein. Oui, voilà, rappelle un peu l'histoire quand même pour nos éditeurs. Oh, bah écoute, il y a eu ça fait quoi? Ça fait une quinzaine d'années là que c'est en place, ces histoires de taxe carbone, etc. Donc de pénalités. Oui, pénalités, ristournes fiscales. En gros, il y a une loi carbone qui fait que les entreprises qui émettent du carbone doivent payer des quotas. Un malus. Des malus. Elles ont des quotas et pour émettre plus, elles doivent racheter des quotas à d'autres entreprises qui ne s'en servent pas. Bon, en gros, ça fait un système de bourse. Hein, voilà, ça fait un système de bourse où tu achètes des quotas, tu les revends, et puis bon. Et il y a eu une énorme arnaque à ça, où tu as eu des milliards d'euros qui ont été détournés par les Juifs par des moyens, ils ont fait les carnets de compte, etc., quoi, hein, comptabilité. Alors, précisons bien que c'est les contribuables français qui ont perdu des milliards d'euros dans cette escroquerie juive pilotée depuis Israël. Ça a été payé, ce nom est trébuchant. En fait, c'est un carrousel à la TVA, parce que vous doutez ces quotas de CO2 totalement fictifs étaient taxés par la TVA. Effectivement, les juifs, instinctivement, ont bien compris qu'on pouvait faire un beau carrousel à la TVA et ils ont récolté des milliards d'euros sur le dos de l'État français. Voilà, et tu as des types, donc c'est la mafia juive hein, pour le coup. Hein. Oui. Il y en a un qui est en prison, je ne sais pas s'il y est toujours, Arnaud Mimran. Oui. Qui a laissé traîner pas mal de morts hein, sur Paris depuis une dizaine d'années. Arnaud Mimran qui a été introduit auprès de du premier ministre israélien Netanyahou par le député français Meir Habib. Voilà. Ils avaient aussi une société en commun Meir Habib et Arnaud Mimran qui avait été créé par acté en Israël hein, par l'avocat de Netanyahou. Des choses qui se passent. Donc bon voilà, ce type-là, il y a eu des morts autour de lui. Il a jamais été inquiété. Là, il est en prison vite fait pour des histoires annexes, hein, pour des histoires de pognon. Alors, mais... Je me permets de te dire que tu es passible de poursuites. Oui. Parce que tu viens de violer la charte de l'antisémitisme qui a été ratifiée par Emmanuel Macron la semaine dernière, dans lequel tu ne peux pas remettre en cause la loyauté d'un juif français au prétexte Israël, et tu as laissé entendre que Meir Habib aurait des intérêts à défendre en Israël en tant que juif, ce qui est parfaitement inacceptable. Non. Ouais, non, mais voilà, c'était bon de nous rappeler, surtout ce gros porc de Habib. Ce type qui est député, a probablement fait assassiner des gens par le gouvernement israélien. Par les barbouzes des services juifs. Pour des sous, voilà. Pour protéger ses copains, quoi. Et ce type-là, bon, c'est lui qui fait appuyer le beau temps un petit peu partout. Il dit ce qu'il veut. Il va poser des questions en commission contre le racisme aussi, hein, pour nous, pour nous faire chier à nous, hein, avec Igouné, la vieille chouette, et l'arabe MJ Del Guerab, hein, vous vous souvenez, le type qui explose des têtes de socialistes. Donc, il y a Meir Habib, c'est tous ces gens-là qui viennent, c'est eux qui donnent des leçons à nous, les méchants nazis, tu comprends? Bon, ben voilà, oui. Donc Meir Habib, les juifs, sont des gens qui sont soucieux de l'environnement. Alors oui, donc l'idée c'est quand même que avant de crever les blancs, c'est quand même de leur faire un maximum les poches. C'est quand même ça le projet. Oui. Voilà, vous avez compris, on a tout résumé là. Voilà. Bon bah sur ces à la semaine prochaine les amis. À la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine.